disciples, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode 25. Alors, je procède au rappel traditionnel de cette émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email, démocratieparticipative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Je répète, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Vous pouvez également rejoindre le forum Europe Écologie des Brins, EELB.SU. EELB.SU pour commenter les articles qui paraissent sur le site ou tout simplement participer aux différentes sous-sections du forum. Il y en a de différents types et c'est très utile. Vous allez voir, nos donateurs nous ont soutenus cette semaine puisque le site a été mis hors service, malheureusement, je vais y revenir. Et ils se sont manifestés. Du coup, ils posent parfois des questions d'ordre technique au niveau des cryptos. La meilleure façon d'y répondre, c'est encore de s'inscrire sur le forum et de poser la question dans la rubrique crypto. Là, vous avez des gens qui maîtrisent très bien, des participants quoi, d'Europe Écologie qui maîtrisent tout ça très très bien et qui peuvent y répondre. Ou alors, les questions ont déjà été abordées, il y a déjà des sujets, donc vous pouvez les lire. Typiquement, comment j'achète des Monero, comment je change des bitcoins pour des Monero, voilà, enfin, entre autres choses, hein, je veux dire. Il y a aussi une rubrique informatique très intéressante, cybersécurité, il y a peut-être sujets là-dessus, Linux, etc. Et vous avez des gens qui vont vous répondre. Donc n'hésitez pas, hein. C'est bien pour faire vivre l'esprit communautaire, on va dire. Alors avant de procéder, avant de remercier les donateurs de cette semaine, je vais saluer nos participants de la semaine. On va commencer avec Alex, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Alex, comment tu vas? Salut Gandalf, ça va? Bonjour tout le monde. Pierrot est aussi avec nous cette semaine. Salut Pierrot, j'espère que tu vas bien Pierrot. Bonjour Gandalf, bonjour à tous, ça va très bien, je t'en remercie. Porovitch est avec nous cette semaine, salut Poro, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous. Et enfin, normalement, Fulbert va nous rejoindre, je ne sais pas s'il est encore là ou pas, mais il sera avec nous durant l'émission. Est-ce qu'il est là, Fulbert? Fulbert est là. Bonjour Gandalf et bonjour à tous. Bonjour Fulbert. Alors, donc cette semaine, on a eu un... Oui, bah, c'est une belle attaque informatique, hein, voilà, le staff a fait le boulot, donc les sites sont de nouveau en ligne, et nos soutiens, qui permettent aux sites de fonctionner, ont répondu présent, ils sont manifestés souvent d'eux-mêmes d'ailleurs, c'est toujours très appréciable, parce que ça montre que bah, ce qui est fait est apprécié. Alors, comme nos auditeurs le savent, ils peuvent nous soutenir s'ils le souhaitent en faisant des dons en crypto-monnaie, Monero en particulier, qui permet de garantir l'anonymat du donateur ainsi que l'anonymat du montant du don. C'est extrêmement utile à un moment où la surveillance se généralise et où l'on cherche à empêcher toutes les formes d'alternatives d'émerger. Monero est une vraie bénédiction. Donc n'hésitez pas à le faire, si vous le voulez bien évidemment, hein, tout ça c'est sur la base du bénévolat. Alors je vais commencer avec Adolphe Lévy, qui nous écrit ceci. « Chers démocrates participatifs, je suis heureux de vous apporter mon soutien. Pouvez-vous me confirmer lors de la prochaine émission la bonne réception de mon don de 100 euros? Merci pour votre travail. » Ça sera fait. Alors on a aussi des dons en retard Bon, cette semaine, on a le temps, parce que la semaine précédente, là, la semaine qui s'achève, là, a été complètement bouleversée par tous nos problèmes techniques. Donc, il a fallu remettre tout en route. Donc, c'est vrai que ça a considérablement troublé le rythme de travail. Mais oui, ça sera fait naturellement. Si jamais une confirmation d'un don que vous avez fait, peu importe son montant, n'a pas été confirmé, n'hésitez pas à nous écrire pour demander une reconfirmation. Il est possible aussi que votre courrier soit passé en spam. Donc, n'hésitez pas. Alors, merci à Adolphe Lévy pour son soutien. Les Lévy nous soutiennent, c'est très important. Don numéro 2, c'est Altar. Je viens de vous envoyer 0,3 Monero à l'instant. Alors oui, j'ai cru comprendre que vous aviez de grands projets en préparation qui pourraient nécessiter plus de financement. Je serais ravi de vous aider si vous nous en disiez plus via le site ou via l'émission. Merci pour votre travail, bien cordialement. Alors, ce serait de toute façon, si le projet en question pouvait avancer plus vite, ça serait annoncé et dans le détail. Pour le moment, de toute façon, nous sommes en attente. Première raison, le Covid ou le Covidisme. Le Covidisme, c'est une inconnue sur absolument tout, à tel point qu'on ne sait pas qui va pouvoir se déplacer, qui va pouvoir aller à l'étranger ou ne pas aller à l'étranger, sous quelles conditions. Il y a une telle inconnue depuis un an, ça trouble considérablement la donne. En plus, avec la vaccination obligatoire, donc c'est vrai que ça, c'est la première inconnue qui est posée. La deuxième inconnue aussi, c'est ce qui peut être dit à l'antenne et ce qui ne peut pas être dit. Pour des raisons, en fait, de viabilité des projets auxquels je pense et d'autres membres de l'émission pourraient penser, maintenant ou dans le futur, pour les rendre viables, évidemment, la discrétion est importante, puisque nous n'avons pas que des amis. Ce qu'on ferait aux récentes attaques que nous avons subies, sans parler de la censure du nom de domaine, pour ne citer que cela, et puis l'activisme permanent de gens qui sont très connus, hein, je vais pas les citer pour pas leur faire plaisir, mais qui s'ingénient en fait à empêcher que les choses se fassent, soit au plan financier, soit au plan institutionnel, en alertant les autorités, etc. Alors, je tiens à rassurer quand même les personnes qui se poseraient des questions. Est-ce que c'est illégal ? Non, pas du tout. Ce n'est pas illégal, mais ce n'est pas pour autant que ce serait toléré. Parce que vous comprenez bien que le pouvoir en place n'a pas, le bien des petits blancs à l'esprit dans les politiques qu'ils mènent. Mais, ceci étant dit, donc une fois que j'ai posé ces deux restrictions, les projets qui seraient faits seraient annoncés et en détail. Mais pour le moment, de toute façon, ce n'est pas en phase opérationnelle du tout. Voilà. Mais c'est vrai que plus on est soutenu, plus on peut se permettre d'envisager une série de choses. Mais de toute façon, s'il y a une annonce qui doit être faite, elle le sera. Avec prudence, mais elle le sera. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas de projet en cours arrêté et lancé. Voilà. Quelqu'un d'autre là-dessus, sur ce point précis ? Non. Pas spécialement. Voilà. Mais oui, tout à fait. Hein, ce serait présenté en des termes clairs. Alors, par contre, il y a un projet, moi, que je défends, hein, c'est le projet de la Grande Bourgogne Blanche, évidemment, qui est, comme son nom l'indique, un projet clairement séparatiste blanc, d'accord, qui, évidemment, fait sourire, puisque beaucoup de gens se disent que ce n'est pas réaliste, mais qu'est-ce qui me fait croire que c'est au contraire extrêmement réaliste ? C'est que je ne crois pas du tout à la viabilité de l'État français dans son unité actuelle. Alors, j'ai cité la semaine dernière le cas de la Yougoslavie, alors sans vouloir faire des comparaisons, parce que les situations, les pays sont différents, mais il y a quand même des constantes. Je ne crois pas à l'unité du territoire français pour des raisons purement raciales, démographiques, migratoires. Donc je crois que les populations blanches, en tout cas une partie d'entre elles, vont chercher à se créer des espaces pour eux, et ça, c'est un projet de long terme auquel je crois très sincèrement. Voilà. Alors, évidemment, la Grande Bourgogne Blanche, c'est pour commencer, c'est une idée, il faut la lancer, bien sûr, mais, si vous voulez, c'est un modèle qui est réplicable à l'infini. C'est l'idée de territoire conçu par des populations autochtones blanches pour des populations autochtones blanches. Avec toujours la même, le même handicap, avec l'hostilité des autorités. Donc voilà. Donc s'il y a un grand projet que moi, auquel je crois, c'est celui-là notamment. Mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Je veux dire, il y a certainement des tas d'autres choses auxquelles on n'a pas pensé, auxquelles on sera peut-être amené à penser dans le futur. Voilà, ou que même nos auditeurs pourraient nous suggérer. Enfin, voilà, hein, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Alors, en tout cas, merci Altar pour ton soutien. Apprécié, bien sûr. Don numéro 3, bonjour à toute l'équipe. Je viens de vous envoyer environ 90 euros. Merci. Jean, c'est Jean. Je n'ai pas été régulier dans mes dons depuis le mois de mars. Sachez que j'en suis désolé. En fait, j'ai rencontré quelques petits problèmes d'ordre technique avec ma banque. Je ne m'étale pas par souci de discrétion. Merci à toi, Jean, donateur régulier depuis plusieurs années, je crois, maintenant. Voilà, c'est toujours aussi un plaisir d'avoir des gens qui croient en ce qui est fait. Don numéro 4, bonjour chers amis, je viens de vous envoyer 0,56 Monero vers votre portefeuille via l'adresse que j'avais enregistrée lors de mon premier don, seulement je viens de me apercevoir que cette adresse n'est plus la même et également qu'elle diffère selon les pages de votre site. Oui, alors il y a une mise à jour qui va être faite là-dessus. Alors il y a une nouvelle adresse, effectivement, elle est valide, et l'ancienne, par la force des choses, fonctionne aussi, mais il y en a une nouvelle et c'est celle-là qu'il faut utiliser, vous la trouvez généralement en bas de l'émission de la semaine. Hein. Alors donc il y aura confirmation qui sera envoyée, ça c'était Saucisse qui nous demandait cette confirmation, alors qu'est-ce qu'il avait dit? Oui, alors en vous remerciant pour votre travail formidable amical, merci Saucisse. Dans numéro 5, chers amis de DP, qui vient de vous envoyer 0,27 Monero? Eh bien c'est spécial KKK, veuillez accepter ma modeste contribution à l'effort de guerre, j'espère que les autres démocrates se mobiliseront en masse pour vous envoyer des shekels, votre travail est primordial et nous devons vous soutenir quoi qu'il en coûte, comme dit l'autre Sikael, et c'est signé spécial KKK. Merci spécial KKK. Alors, salut à toute l'équipe. Je vous envoie à l'instant un don de 0,13 Monero, en espérant que le site et le forum reviennent vite. Amitié à Pierrot, dont j'apprécie de plus en plus les interventions, Pierrot. Tu fais l'unanimité. Ah bah, merci, merci. Puis merci Alexis aussi, parce qu'il paraît que nos voix sont un peu confondues. Donc, dans le doute, voilà. Merci, c'est sympa. Moi, j'ai jamais confondu mes voix, mais ouais, j'ai entendu mais je comprends pas pourquoi, en fait. Et c'est signé Le Clichois qui aide les jeunes. Merci Le Clichois. Merci. Ton numéro 7, chers démocrates, à l'occasion de la panne en cours, j'ai essayé de vous envoyer des shekels. Cela faisait trop longtemps que je répétais l'étape odieuse de l'identification faciale sur Binance. Vu l'urgence de votre situation, je me suis résolu à m'identifier chez Binance, mais j'apprends ensuite que je ne peux rien faire de ce compte avant le 12 juillet. Il est en cours de vérification. Je ne peux envoyer aucun shekel électronique. Par contre, j'ai déjà envoyé du cash à Vincent Renoir. Par courrier postal. Hein. Si cette option est envisageable pour vous, je le ferai avec joie. Idem via PayPal, vers quelqu'un qui redirigera ensuite vers votre coffre-fort virtuel en Monero. On est avec vous et c'est Volkenheim. Alors, Volkenheim, non, pas de PayPal, pas de courrier. Je ne dis pas que pour Vincent Renoir, c'est pas faisable. Lui gère sa situation peut-être différemment. Nous, c'est exclusivement Monero et parce que ça garantit l'anonymat, et pour nous, c'est fondamental, il faut absolument que les dons soient anonymes, s'ils ont lieu, si ce n'est pas possible, ne faites pas de dons. C'est aussi simple que ça. Ensuite, il faut changer ces bitcoins, là je vais en parler, il faut changer ces bitcoins, et il y a des sites qui le permettent de le faire anonymement pour, en échange de Monero, voilà. Bon, le site est revenu en ligne, on a réussi à parer à tout ça, c'était quand même compliqué, je dois dire qu'on a dû... On a dû quand même un peu ramer. Moi-même, j'ai dû y contribuer un petit peu à ma modeste échelle, mais on a réussi à remettre ça en ligne. Ouais. Donc, merci Volkenheim, mais si c'est pas Monero, ce n'est pas la peine. Merci quand même. On aimerait bien être sur PayPal, Tipeee, YouTube, hein, si vous voulez, mais les Juifs ne sont pas d'accord. Tout à fait. Ah non, mais de toute façon, c'est même pas possible. Quoi. Alors, il y a Tortue Transgenre qui participe au forum Europe Écologie Les Brins, qui suggère deux sites. Pour changer ses bitcoins contre des Monero. Mais il y en a un qui est très intéressant, vous pouvez le faire anonymement. C'est exchange.me, M-E. Donc, GPL, exchange, X-C-H-A-N-G-E, comme X-change, hein, point M-E. Et là, vous pouvez échanger vos bitcoins contre des Monero anonymement. Donc, c'est quand même appréciable. Voilà, donc... Voilà, si ensuite vous pouvez envoyer des Monero, enfin, à démocratie participative, ou même, enfin, je ne sais pas, pour l'usage que vous en faites. Voilà, je, comme Tortue Transgenre en a parlé, je trouvais que c'était un outil très, très intéressant, très utile. Voilà, exchange.me. Voilà. Sinon, il y en a un autre, mais qui ne met pas la focale sur l'anonymat de la même façon, mais normalement, de toute façon, après, une fois que vous avez des Monero, donc ça, c'est anonyme, la transaction sera anonyme. Mais ça, c'est changenow.io. Voilà, changenow.io. Don numéro 8, bonjour DP, encouragement suite à l'attaque de l'Hydre sur mon site d'information préféré. Vous envoie donc 0,17 Monero. Juste une demande, il faut vraiment trouver un moyen de nous organiser pour déménager en Bourgogne. Oui, moi je suis prêt, mais comment faire? Merci pour votre travail, Aesop. J'y consacrerai du temps. J'en parlerai davantage. Pour l'instant, c'est vrai que... mais ça, c'était un projet que je défendais à titre personnel. Les autres membres de l'équipe n'y participent, enfin, n'y ont pas... n'y s'y sont pas engagés en particulier. C'est vrai que c'était moi qui poussais plutôt, proposais le concept, en fait, tout simplement. Et je reviendrai là-dessus plus en détail, et même j'y accorderai du temps peut-être dans une future émission. Pour une bonne et simple raison, c'est que, comme je l'ai dit, c'est un concept qui est réplicable à l'infini. Comment faire quand on est blanc, quand on veut vivre avec des blancs, pour ne pas avoir à subir l'enfer multiracial? Comment faire? Comment s'y prend-on? Alors, moi j'ai lancé le concept de Bourgogne blanche, mais vous avez bien compris que ce concept est reproductible, donc les problèmes se poseront de la même façon à d'autres personnes. Hein. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il faudra en parler. Alors, merci Aesop en tout cas pour ton soutien et pour ta question. Don numéro 9. Bonjour à toute l'équipe de démocratie participative, c'est avec quelques jours de retard que je vous fais mon don mensuel de 0,21 Monero, soit $50 au cours actuel. La preuve du paiement en pièce jointe, comme à l'accoutumée, je serais très heureux d'être cité donateur du mois amicalement. Et c'est Ferdinand. Merci Ferdinand, bien sûr, c'est avec plaisir qu'on te remercie pour ton don et ton soutien, et de nous écouter tout simplement. Voilà pour nos donateurs qui se sont particulièrement mobilisés, puisqu'ils ont vu que le site était attaqué, effectivement. Et on va probablement devoir faire des changements significatifs dans le futur. Voilà. Donc, c'est un sport quotidien. Messieurs, est-ce qu'on peut commencer l'émission? Rubrique numéro 1, oui. Allez, c'est parti. Courrier des lecteurs. Alors, c'est une femme qui nous écrit. Un peu en mode expérience vécue, j'aime beaucoup ça. Alors, bonjour messieurs. Fidèle lectrice et auditrice de démocratie participative depuis plusieurs années, acquise à la cause du national-socialisme depuis mon adolescence, je suis aujourd'hui une femme épanouie et lucide. Je me permets de vous écrire ce courrier suite à votre dernière émission du 30 juin 2021, car j'ai totalement reconnu la situation de ma petite ville face à la colonisation organisée. J'ai emménagé, il y a maintenant quelques années, dans une ville de seulement quelques milliers d'habitants, fuyant les grandes agglomérations et les centres urbains devenus invivables. Jusqu'ici, cette petite ville était relativement préservée, mis à part les inévitables cas sociaux, quelques Ottomans et une famille de vieux Algériens. Mais, il y a environ un an, la préfecture, en accord avec le maire, a décidé de réquisitionner deux maisons inhabitées du centre-ville historique pour y installer un centre d'accueil Coalia, une association spécialisée dans le torchage de cul de ce que le tiers-monde produit de plus fabuleux, migrants, réfugiés, mineurs isolés, etc. L'installation de cette structure s'est faite totalement à l'insu des habitants qui n'ont pas eu leur mot à dire et ont simplement été mis devant le fait accompli. J'ai désormais le bonheur de vivre à proximité de ce zoo et le spectacle est quotidien. Des Afghans qui vous fixent avec des yeux de poisson mort, des troupeaux de nègres hurleurs, des guenons quasiment toutes engrossées accompagnés de leurs négrillons incontrôlables, le tout saupoudré de quelques Roms et Kosovars. L'autre jour, une vieille négresse a littéralement été prise d'une crise de folie devant les bureaux de l'association, se balançant d'avant en arrière, criant des incantations vaudoues dans un dialecte africain non identifié. Mais je suis mauvaise langue. Cette brave dame est bien certainement une future neurochirurgienne ou une physicienne de haut niveau qui paiera nos retraites. Il est intéressant de constater que le personnel de l'association est composé quasi uniquement de femmes, avec son lot d'incontournables boumeuses, mais aussi de femmes plutôt jeunes, toutes pourvues de physiques disgracieux et en surpoids notoire, gloussant comme des dindes, au contact des nègres, avec qui elles partagent cigarettes et café à longueur de journée sur le trottoir. Je les soupçonne d'ailleurs de faire bien plus que de leur apprendre à lire et à compter. c'est évident. Régulièrement, je vois la livraison d'électroménagers, de poussettes, de lits d'enfants et de cosy flambant neufs. Si cela n'est pas une colonisation organisée, je ne sais pas ce que c'est. Évidemment, avec l'arrivée de cette horde, sont arrivés les problèmes de sécurité, de violence, de dégradation, de saleté et de trafic de drogue. Pour en avoir parlé avec plusieurs gendarmes du secteur, j'ai eu confirmation qu'il y avait des interventions toutes les semaines dans les locaux où sont logées nos chères petites têtes marrons. Le centre-ville devient progressivement une zone désertée par les habitants où errent tels des zombies, des bandes de nègres et des Afghans dont l'activité favorite semble être le reluquage intensif de jeunes blanches. Quelques riverains ont tenté de faire entendre leur mécontentement en interpellant directement les responsables de l'association. Ces boudins à matrice de chibre noir se sont littéralement liquéfiés face à des blancs en colère, bredouillant difficilement des explications et tentant vainement de justifier leur installation en regardant le bout de leurs chaussures. Bien sûr, ces vaines protestations n'ont pas permis le départ des parasites, mais ils ont au moins compris qu'ils n'étaient pas les bienvenus et qu'ils devaient se tenir à carreau. Je songe désormais à m'établir dans un village reculé, bah oui, ça fait écho avec ce que je disais un petit peu avant, même si d'ici peu, je ne doute pas qu'ils trouveront le moyen d'en ventiler jusque-là. Bref, payez vos impôts, n'oubliez pas de voter, et dormez tranquille, brave Goïm. Je voulais également rebondir rapidement sur le témoignage de la jeune femme âgée de 23 ans, étudiante en histoire, dont le courrier a été lu lors de l'émission du 15 juin 2021, isolée dans un quartier remplacé et entourée de parents gauchistes. Oui, je me souviens très bien de ce courrier. Avec cerise sur le gâteau, une sœur convertie à l'islam et l'autre qui sert de sac à frappe à un rat des sables. Qu'elle reste forte en comprenant que le national-socialisme était la bonne voie. Elle a déjà gagné la plus grande bataille, celle de s'extirper de cet océan de boue et de mensonges dans lequel nous sommes tous jetés dès la naissance. Je lui conseille pendant son temps libre de pratiquer des activités qui lui permettront de développer les meilleurs aspects du caractère féminin, comme par exemple des cours de cuisine, de couture, de jardinage, et aussi de pratiquer des activités physiques comme la randonnée, la marche ou le vélo, ces activités étant encore relativement protégées racialement. Avec des lectures saines, c'est aussi très important. Quand une baisse de morale survient, relire « Les âmes qui brûlent » du grand Léon de Grelle, et ça repart comme en 40. C'est tout à fait juste, c'est un très grand livre de Grelle, probablement son plus grand livre selon moi. Pour terminer, je lui suggère de faire du babysitting pendant les vacances, sans passer par une agence. Elle pourra ainsi passer du temps au contact d'enfants et apprendre à s'occuper d'eux. Un très bon exercice pour mieux appréhender la maternité qui doit être notre objectif de vie ultime en tant que femme blanche. J'espère ne pas m'être trop dispersée dans ce long courrier. Je vous remercie sincèrement pour votre travail. Longue vie à démocratie participative et vive la France arienne et catholique. Sic Heil, et c'est signé Fleur. Alors, un très bon courrier, très positif, plein d'énergie positive. Même si ça commence un peu sur les, hein, sur le chapeau de roue avec la diversité. Vivre en zone sinistrée et ensuite les conseils pratiques à une jeune fille blanche qui réalise toutes les implications de vivre en milieu racialement sinistré. Qu'est-ce que vous voulez dire à Fleur ou bien à propos du courrier de Fleur? Eh ben Fleur, déjà je pense que la population que tu as ciblée, je sais pas si elle sait lire, comme tu l'as dit. En tout cas, elle sait très bien compter. Les métèques savent très bien compter l'argent que vous avez dans votre portefeuille. Ça, l'argent des autres, ils savent très bien compter. L'argent de l'État qu'ils peuvent gagner, ça, ils sont très très forts, hein, des mathématiciens en herbe. C'est compliqué ce genre de situation parce que en France, tu peux te retrouver, par exemple, locataire ou propriétaire d'un logement avec un environnement sain. Et du jour au lendemain, t'as, je sais pas, une barre HLM qui pousse ou des métèques qui viennent en nombre, et ça change tout ton quotidien. Et Dieu sait qu'en France, les métèques, c'est pas ce qui manque, quoi. Le pire, c'est pour les propriétaires. Si vous avez une barre HLM qui pousse à côté de votre maison, c'est simple. Vous venez de perdre la moitié de la valeur de votre bien, comme ça. C'est très compliqué. Ce qu'on peut dire, c'est que l'un des rares bénéfices du Covid-19, c'est que maintenant, pour une certaine partie de la population, pas pour tout le monde, il faut reconnaître, ça devient de plus en plus normal de travailler de chez soi. Donc, oui. On peut-être, parfois, hein, pas pour tout le monde, hein, éviter les grands centres-villes, les grands centres urbains, c'est une bonne solution. Et se mettre dans un coin où on peut raisonnablement se dire que d'ici les 10, 20 prochaines années, il n'y a pas une horde de métèques qui va arriver pour nuire notre quotidien. Ça, c'est le premier truc. Et puis la deuxième réflexion, donc là, c'est pour encore peut-être moins de monde. Les gens qui pensent sincèrement se barrer de France, moi, je leur jette pas la pierre. Je leur dis même, pensez-y, si c'est possible. L'expatriation, c'est pas une défaite. Tout le monde peut pas le faire. Tout le monde peut pas le faire, c'est vrai. Mais on arrive à un point où, en fait, en France... Tout le monde ne veut pas le faire non plus. Je veux dire, il y a le pouvoir et le vouloir aussi. Je veux dire. Ah oui, et puis je comprends très bien. Moi, le mec, il me dit, moi, je suis un nationaliste français traditionnel. Je suis trop attaché à mes terres, à mon territoire pour pouvoir partir. Je comprends très bien ce discours-là, quoi. Maintenant, s'il y a des gens qui ont une autre vision des choses et qui ont cette possibilité-là, profitez-en, parce que... Profitez-en, en tout cas, pour y penser. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais pensez que aussi, surtout, que le... À l'heure actuelle, de manière pratique, on vous laisse encore bouger, mais de moins en moins. Maintenant, c'est très clair, on vous demande, vous avez fait votre test, vous avez fait le vaccin numéro 1, numéro 2, vous avez le passeport, machin. Il y a une volonté très claire à l'intérieur de l'Union européenne de vous fliquer, de vous empêcher de vous barrer de France. Maintenant, les Blancs sont la force productive du pays, ceux qui créent la richesse, le PIB, d'accord ? Donc le pays vous appartient. Mais en fait, ils nous foutent dans une sorte de cage, plus ou moins dorée. Ils veulent nous garder pour continuer à produire et en même temps nous mettre des métèques où vous voulez, quoi. Partout où ils peuvent. Ça, c'est une situation compliquée. Là, il y a justement en Espagne, je disais ça dans la presse, là, dans la grande presse espagnole, c'était dans la région de Castille-la-Manche. Le gouvernement, très officiellement, hein, veut repeupler les villages en voie de désertification avec des migrants. C'est une politique, hein, c'est reconnu comme tel. Et l'argument mis en avant par le gouvernement espagnol, c'est qu'il faut parer au manque d'actifs en raison du vieillissement de la population et pour payer les retraites des baby-boomers. Dixit, hein. C'est dans l'article. J'oublie le journal d'ailleurs, mais bon, c'est dans la presse. Donc, ça fait le lien avec ce qu'on disait, ce qu'on développait la semaine dernière et qu'on a souvent développé. C'est pas un secret, on le sait. Mais la mécanique est très claire. Il y a une volonté de repeuplement de l'Europe parce que, du point de vue des technocrates, qui sont souvent aussi sous l'influence juive, ne nous trompons pas, il s'agit de faire du pire deux coups, c'est de casser les reins de la race blanche, tout spécialement. De la classe moyenne, et en la divisant racialement, c'est-à-dire en la cernant en fait d'ennemis raciaux, et prosaïquement, au plan statistique, disent-ils, voilà, on va faire rentrer des actifs, ils vont ce sera des larbins, on va pouvoir les faire trimer, et ils vont renflouer les caisses, et comme ça, les boomers pourront tranquillement avoir une retraite comme c'est prévu. Voilà. Donc pour ça, ils veulent repeupler les villages espagnols en voie de désertification. Ça fait écho avec ce qu'avait dit Raffarin aussi il y a quelques années. Hein. Alors, bon, si vous regardez le profil des Afghans ou des Somaliens, vous allez remarquer que ces gens-là ne sont pas très branchés campagne. Leur truc à eux, c'est de squatter des grandes villes. De toute façon, c'est des créatures des villes. Hein. Ils veulent squatter des... ou du désert, enfin, vous voyez, ça va avec. Donc, ils veulent squatter des grandes villes, tenir le mur avec... voilà, jogging, basket, iPhone, enfin vous connaissez ça comme moi, quoi. Et agresser quelques blanches, ça correspond d'ailleurs tout à fait à la description que Fleur a faite dans son courrier. Voilà, avec la mécanique. Alors, Coalia, je connais bien, mais il y en a d'autres. De toute façon, dans toutes les préfectures de France, vous avez comme ça une association qui est mandatée par la préfecture pour prendre en charge les migrants. C'est toujours le même schéma. Quand vous demandez, en fait, quels sont les financements... combien est alloué à qui, etc. La préfecture vous dit qu'il n'y a pas de chiffres. Vous ne pouvez pas savoir combien on dépense pour ces gens-là. Et les volumes augmentent de plus en plus. Dans une émission précédente, j'avais aussi dit qu'ils recouraient de plus en plus, parce qu'au départ, vous savez, quand il y a des vagues importantes, souvent ils les logent dans des biens immobiliers qui appartiennent à l'État, typiquement d'anciens locaux d'EDF, des anciens centres de vacances EDF, ou même en fonctionnement, ou France Télécom. Enfin, aujourd'hui, c'est Orange. Ce genre de choses, vous voyez. Ça, c'est quand ils arrivent. Mais ce qu'ils font de plus en plus, c'est qu'ils recourent au secteur locatif. Donc les préfectures sous-traitent avec des propriétaires qui mettent leurs biens en location sur le marché, le marché général, quoi. Hein. Et c'est ça qui génère les mauvaises surprises. Tout d'un coup, dans votre quartier, vous voyez des négresses ou alors des bouilloules patibulaires. Vous vous dites, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont construit, d'où ils sortent? Il n'y a pas de logement social, je ne comprends pas. Bah, c'est ça. C'est des contrats entre des associations type Coalia. Il y en a d'autres, je ne sais plus comment ils s'appellent toutes là. Et la préfecture. Et vous avez comme ça, souvent des boomers qui ont des biens immobiliers. Ils ont une baraque, deux baraques, trois baraques. Et ça, c'est des contrats en or pour eux. Parce que quand vous avez un contrat avec l'État, vous avez une très grande visibilité. Parce que souvent, l'État fait des contrats sur une durée assez longue, quoi. Donc, il y a des gens qui font du fric en organisant l'invasion. Et ces associations-là sont tellement lourdement subventionnées que c'est un vrai business. C'est-à-dire que pour eux, la manne, c'est le migrant. Il faut avoir conscience de ça aussi. J'avais cité un exemple, bon, c'est un peu redondant parce que je l'ai déjà cité, mais c'est vrai. À Brest, il y avait un proche du maire socialiste de la ville, Cuyandre, qui était un adjoint, qui est avocat de profession, mais qui faisait des heures supplémentaires en tant que président d'une association d'enseignement du français aux migrants. Alors vous allez me dire, extraordinaire, il a le cœur sur la main. Non, pas du tout. C'est-à-dire que l'association était choisie par la mairie socialiste pour faire ce type de mission publique, entre guillemets. Donc il avait un marché. Et lui, plus il y a de migrants clandestins sur Brest qui rentrent dans le dispositif, plus il est content, parce qu'il est payé à la tête. Vous voyez ? Donc c'est des façons détournées pour capter, en fait, de l'argent sans de manière malhonnête. En réalité, enfin, c'est très malhonnête. C'est légal, mais c'est malhonnête. C'est malhonnête. Donc, c'est pas étonnant ensuite que ces départements ou que ces villes socialistes appellent à accueillir toujours plus de migrants. Ils font du blé là-dessus. Ils font du fric là-dessus. Donc, là, dans le courrier de fleurs, elle voit une baraque arriver. Tiens, ça sort d'où Ah, le centre-ville, oui. Ah, une association. Tiens, des boudins blancs qui viennent. Elles sont payées. Vous avez vu, là, c'est des grosses blanches ou des vieilles. Elles sont payées à faire ça. Elles sont payées. Elles sont vraiment payées. Et en plus, on a bien compris, c'est ce qu'elle dit. Elles font pas que partager un café avec les négros, hein. Donc voilà, elles associent l'utile et l'agréable entre, enfin l'agréable. Bon, si ils trouvent ça agréable, moi je suis pas convaincu. Mais bon. Enfin, voilà. Putain, j'ai dit putain. Excusez-moi, non. J'ai dérapé. Pierrot ou quelqu'un d'autre là-dessus sur ce un schéma qu'on connaît très très bien. Genre un autre truc à dire sur un autre élément du message de fleurs. Moi, je voudrais revenir sur ces boumeuses et vraiment leur extrême laideur morale. Parce que vous savez, quand un homme il veut un plan cul payant, bon, bah, il invite une nana ou il se paye une pute, mais il paye avec son argent. La femme, c'est très différent. Elles font venir des migrants qui vont nous coûter les yeux de la tête et la tête de nos enfants. Et en plus, elles se font payer dans les associations pour se taper des migrants, au final. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la toxicité sociale de ces femmes. Oh putain, je m'en rends bien compte, moi. Et puis, c'est du délire. En plus, elles sont adulées. Vas-y, je t'en prie. C'est du délire. C'est-à-dire que quand un homme veut tremper son biscuit, finalement, déjà, il ne va pas quitter sa femme pour ça. Et il le fait sur ses propres moyens, mais il ne compromet pas la société pour ça. La femme, oui. La femme qui veut tromper son mari, divorce. Vous voyez ? Donc, vraiment, je veux dire, il y a un problème, évidemment, racial, mais il y a aussi un problème de contrôle de la sexualité et de contrôle des femmes. Il faut vraiment mettre un terme à tout ça. Parce que quand vous laissez les femmes faire ce qu'elles veulent, vous vous obtenez ce genre de situation où elles sont littéralement en train de détruire notre société juste pour se faire troncher. Oui, c'est une convergence des catastrophes, pour citer Guillaume Fay. Comment dirais-je, feu Guillaume Fay, qui nous a quittés il y a quelques années. Oui, une convergence des catastrophes, c'est-à-dire que tu as les boomers qui, eux, ne pensent que retraite. On l'a vu avec les élections, ils ne pensent que retraite. Alors, je ne vais pas dire toutes les femmes blanches, parce que c'est pas vrai, hein, mais il y a une tendance. Une tendance dont le féminisme est l'expression la plus pure. Et de toute façon, sous une forme ou sous une autre, le féminisme est quand même très largement partagé par de très nombreuses femmes. Donc ça, c'est un fait. Donc, Elles se disent rarement féministes, mais quand on leur demande si elles soutiennent le féminisme, elles disent tout oui. Bah, tu sais, si t'as envie de tester, hein, tu demandes est-ce que t'es pour ou est-ce que t'es contre l'avortement, en général. Parce qu'en fait, c'est la question de l'instinct maternel. Une femme normalement constituée rejette radicalement l'avortement. Enfin, bah, sauf des cas extrêmes, je veux dire. Bon, on ressort toujours ça, le cas du viol. Moi, je conçois que ça puisse arriver, mais on est d'accord que statistiquement, c'est pas représentatif, quoi. Je veux dire. Une femme qui a un instinct maternel normalement constitué... Ça glorifie l'idée de tuer son enfant, un être, quoi. Enfin, ça, elle ne peut être que... Non, alors, il n'y a pas de femme avec un instinct maternel normalement constitué. Il y a des femmes qui reçoivent une éducation, un formatage digne de ce nom, et dans ce cas-là, elles vont privilégier leur enfant à leur intérêt. Et puis, il y a les femmes qu'on a aujourd'hui qui privilégient leur intérêt aux enfants. Et ça va jusqu'à tuer les gosses, effectivement. Mais ce n'est pas un instinct comme ça qui vole dans l'air. C'est le fruit aussi... de la société, de l'éducation. Oh si, je pense qu'il y a une forme d'instinct. Une femme est heureuse quand elle a un enfant. Il y a toute la joie de la maternité. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui veulent des enfants. Et celles qui disent j'en veux pas quand elles ont 25 ans, tu vois, quand elles arrivent dans la trentaine, tout d'un coup ça change, tu vois. Donc je crois qu'il y a un instinct maternel. Je pense que ça c'est une réalité. Par contre, et là je te rejoins, il y a un travail actif de déformation de la femme pour la faire haïr sa fonction naturelle. Je dis pas la seule et unique fonction, mais une fonction fondamentale. S'il n'y a pas de femme pour faire d'enfants, il n'y a plus d'humanité. D'accord ? C'est très simple, tout le monde le comprend, ça. Donc, c'est une... Moi, j'entends les féministes, oui, non, mais on n'est pas que notre organe reproducteur. Certainement. Mais personne n'a jamais dit le contraire. Non, mais voilà. Mais, Napoléon avait dit ça, je trouve que c'est une belle phrase, d'ailleurs. Ce n'est pas une femme que j'épouse, c'est un ventre. Ça m'a fait rire. Ouais, oui, bon, on va déconner un peu de temps en temps aussi. Quoi. Ouais, mais replace dans son contexte. Napoléon était fou amoureux de Joséphine, s'en est séparé parce qu'il avait besoin d'un héritier pour pérenniser son trône. Donc c'est en ce sens-là qu'il disait ça. Il dit, voilà, j'ai besoin de quelqu'un pour faire le job. En gros, c'est pas une histoire d'affect. Mais Napoléon était lui-même était d'une grande sensibilité. Je veux dire, ses échanges avec Joséphine de Beauharnais sont là pour en témoigner. Donc, après, un peu de machisme n'a jamais tué personne. Voilà, c'est comme tout. Je crois que c'est pas un peu dont on a besoin, c'est beaucoup. Ah bah là, oui. Cette question de la putification de la femme, c'est vraiment un moyen de subversion des sociétés extrêmement puissant. Regardez-les, nos mondialistes. Ils vont faire des programmes féministes, en fait, ils les appellent pas comme ça. Ils vont faire des programmes humanitaires à l'intention des femmes, partout, au Bangladesh, au fin fond de l'Afrique. Ils envoient des éducateurs pour dire aux femmes comment utiliser la pilule. Partout, ils font des programmes d'éducation, et ici, prioritairement, les femmes. Pourquoi ? Parce qu'une femme qui fait des études, c'est une femme qui fait moins de gosses. Et ça, jusqu'au fin fond de la Terre. Donc, croyez-moi, c'est une question ultra importante. Alors, ça n'a pas l'air de bien marcher en Afrique. Ouais, non, mais bon, aussi essayer de faire des études aux Africains. Ah, je sais bien, mais... ouais, c'est compliqué là. C'est laborieux. Oui, la pilule semble plus efficace dans le cadre de l'Afrique plutôt que d'envisager des études longues à Bac+5 qui les amèneraient à faire moins d'enfants. Mais... Oui, effectivement. Bah, dans le cas de l'Afrique, c'est dramatique. Tu regardes le Niger, le Niger ou le Mali d'ailleurs, c'est des pays, tu vois, la courbe démographique, c'est ahurissant. Je veux dire, ça monte en flèche. Le Niger, je crois, ça va être 50 millions d'habitants. Le Mali, pareil. C'est des déserts. On a de ces pays-là, je crois que si on en regroupe 2-3, à l'horizon 2050, on aura la population totale de l'Europe actuelle. Ouais, voilà. Bah ouais, tu prends le Nigeria, c'est pareil. Bon. Donc, évidemment, le trop-plein démographique. Donc, oui, ce qu'elle dit, mais je trouve ça très juste, ce qu'elle dit Fleur, elle dit, voilà, la fonction de la femme, ce qui fait toute la noblesse de la femme, c'est la fonction de mère. C'est une joie pour une femme d'être mère, c'est plein de joie quotidienne. Alors, après, il y a des femmes, elles n'ont pas l'instinct maternel. Alors, bon, on aura peut-être un désaccord avec Pourvi, qui peut-être ne croit pas à l'existence de l'instinct. Je dirais que c'est un instinct qui doit être cultivé par l'éducation. Totalement. Il n'y a pas de nature, il n'y a pas vraiment de nature indépendante de la culture chez l'homme. Tout est culturel chez l'homme. Même les instincts se développent. Ou se tue. Oui, ça je suis d'accord. Mais ce qu'elle dit est très juste, et quand t'as des filles, elle dit je veux pas. Alors, t'as des filles, vraiment, elles ne veulent pas d'enfants. Ça arrivait, hein. C'est exceptionnel, mais ça arrive qu'il y a des femmes, elles ne veulent pas du tout d'enfants, je dirais. Et si elles en ont un, elles le rejettent. C'est arrivé à Brigitte Bardot, d'ailleurs. Le premier gosse qu'elle a eu, elle a complètement rejeté parce qu'elle n'en voulait pas. Ce gars malin, pour ainsi dire, n'a pas eu de mère, quoi. Bon, vous allez me dire, je fais du gala, mais je cite le cas de Bardot parce qu'il est connu, quoi. Et récemment, elle disait, voilà, bah, je parle un petit peu avec mes petits-enfants qui sont en Norvège, puisque c'était son fils a épousé, je crois, une Norvégienne, un truc comme ça, qui vit, et il parle pas français et tout. Et sur le tard, la Bardot, bon, on sentait, tu vois, une espèce d'amertume, quoi, tu vois. Mais il y a des femmes comme ça, c'est tout, il y a des femmes comme ça. Mais c'est pas la norme, c'est pas la norme. Et puis il y a des filles qui prennent, à 25 ans, ils disent, moi, je n'aurai jamais d'enfant. Là-dessus, il faut pas. Ça, c'est ce qu'elle dit à ce moment-là, mais c'est, je veux dire, après, la vie suit son cours et elles révisent leur copie. Quoi, je veux dire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie n'est pas facile. Vous cherchez le bonheur dans la sexualité, dans les divertissements, etc. Et vous serez toujours déçu. Parce que la sexualité, au mieux, ça dure 3 ans. Parce que de toute façon les mecs vous larguent, etc. Vous faites le manège à bite, et puis ça va jamais, vous trouvez jamais le bon. C'est pareil, c'est toujours comme ça. Le seul moyen de trouver un bonheur un peu stable pour une femme, c'est de transférer toute cette énergie et de la mettre dans les gosses. Parce que les gosses, jusqu'à l'âge adulte, ils vous le rendront, votre affection, vous voyez. Puis après, vous aurez les petits-enfants. Et oui, si oui, vous oui. Cherchez... C'est le meilleur calcul pour être un minimum heureux dans la vie. Oui, la scolarité à la maison est de plus en plus encadrée, voire même rendue presque impossible avec la loi prétendument de lutte contre le séparatisme qui vise aussi l'école à la maison. Mais sur le principe, il y a certainement la possibilité pour avoir, non seulement mettre au monde un enfant ou des enfants, mais aussi les éduquer soi-même et les avoir auprès de soi, au moins jusqu'à l'âge, je pense, de 7-8 ans. Après, ça coûte un peu cher, tenir ça en compte. Hein, tu passes par le CNET, t'es obligé. Et c'est, ouais, éduquer ses enfants à la maison, ça coûte un peu cher. L'État, en fait, veut veiller à ce que tu fasses pas n'importe quoi avec les gamins. Pour le coup, en théorie, moi, je trouve pas ça délirant, tu vois. Mais bon, on parle quand même d'un État qui met des PD à moitié à poil partout, qui tue des enfants blancs, quoi. Hein, je suis un peu circonspect sur les intentions réelles de la République française. Ah, pas moi, je pas du tout circonspect. Je sais qu'ils ce sont des démons. Conférer les propos de Macron à l'endroit de Viktor Orban et de la Hongrie et de la Pologne sur la législation visant à empêcher la promotion de toute la dégénérescence LGBT, pédo-LGBT devrais-je dire, dans les écoles de Hongrie. Voilà, par définition, ça veut dire que leur projet, c'est ça. Donc l'école à la maison, ça paraît délirant, enfin délirant, je m'entends, ça paraît hors de portée de beaucoup de gens, mais au bout d'un moment, tu te dis, ouais, mais moi, j'ai pas envie que mes gosses, ils soient soumis à ces saletés, quoi. Je veux dire, c'est plus possible. C'est plus possible. C'est... Après, en termes de retour sur investissement, c'est énorme. Hein. Oui. Si vous avez la possibilité de le faire, c'est une question qu'il faut se poser, parce que le fait de consacrer... un adulte a, je sais pas, 2-3 enfants, même juste un seul, c'est exponentiel en fait, la courbe de croissance d'apprentissage de l'enfant. Donc vous allez lui faire apprendre beaucoup de choses très très vite. Les enfants, ils ont vraiment un cerveau comme une éponge et ils peuvent absorber beaucoup beaucoup de choses. Et à l'école républicaine, surtout l'école publique, alors l'école privée ça dépend, hein. L'école privée hors contrat, on peut commencer à parler, mais des fois il n'y a pas beaucoup de différence entre l'école privée et l'école publique. Et là, par contre, vous vous retrouvez avec un nivellement par le bas, des classes surchargées, des bougnoules qui foutent le bordel, les élèves qui veulent vraiment étudier, bah, du coup, ils sont perturbés. Ça fait vraiment penser, vous savez, à cette étude sociologique qui avait été faite avec un scientifique, un sociologue, qui avait adopté un petit singe bébé et qui avait eu un enfant, un garçon en même temps. Et qui, en fait, a décidé d'éduquer le singe comme si c'était un être humain, pour voir, en gros, comment est-ce que le singe pourrait évoluer, vers quel niveau d'intelligence. Et en fait, il a dû stopper son expérience, parce qu'en fait, l'enfant commençait à se comporter comme un singe. Donc ça, c'est un peu ce qui se passe dans les écoles françaises, quoi. Vous avez des singes, hein, des vrais singes, que vous foutez avec des vrais enfants blancs, hein, donc des vrais êtres humains, et à la fin, ça se passe mal. Ouais, c'est intéressant, ça, c'est un point important. Ouais. Non, mais c'est la question de la séparation. En fait, c'est le sujet central, c'est la séparation, hein, parce que c'est pas tout de faire des enfants, il faut en faire. Mais encore faut-il qu'ils évoluent dans un environnement qui soit sain. Non pollué par à la fois le LGBTisme et pollué racialement. C'est un très grand défi. C'est ce que dit d'ailleurs dans son courrier Fleur et qui m'a fait rebondir, qui fait le lien avec la Bourgogne blanche. Encore une fois, hein, qui est un concept que je défends personnellement, mais les autres membres de l'équipe, pas spécialement ou pas du tout. Mais... c'était aussi, je voulais m'arrêter là-dessus pour deux choses. D'abord parce que je pense qu'il faut, y a des gens qui veulent s'expatrier, mais je pense que sur le volume de Français de souche en France, il y en a tellement que tout le monde ne va pas s'expatrier, c'est pas vrai. Donc il y aura des Blancs qui vivront en France et qui veulent vivre sur la terre de leurs ancêtres, c'est très très bien. Simplement, ils veulent des alternatives. Et je pense que ça va se produire spontanément, organiquement. La demande se forge. Le white flight, c'est une réalité en France depuis longtemps. D'accord, les Blancs qui quittent les zones bougnoulisées, c'est une réalité qu'on connaît. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire, parce que quand on voit la politique publique qui est menée dans le domaine, et dont parle Fleur, c'est qu'en fait, quand tu fuis, t'as le gouvernement pour te rattraper, tu vois. C'est-à-dire que quand t'essayes de fuir les Arabes, t'as la préfecture qui arrive, non, mais attends, ils te rattrapent par la manche. Et il te fout un bougnoul, il te plante un bougnoul à côté de chez toi. Non, mais t'as, vraiment, je veux dire, qu'on tolère ça. Ce qui m'amène à un deuxième point, c'est que, pour moi, je crois que, et ça fait le lien avec l'histoire des élections, vous savez ici que... En tout cas, moi, personnellement, je suis radicalement hostile aux élections et hostile à la démocratie. Je pense que c'est une imposture. Mais les élections récentes confortent, à mon sens, cette opinion. Nous avons un problème avec l'État. D'une manière totale, nous avons un problème radical avec l'État. Pas en théorie, en pratique. Et cet État... Où est sa tête? C'est à Paris. Et c'est Paris qui pilote cette politique raciale. Donc je pense que nous sommes à un stade où, en fait, nous sommes dans une guerre qui n'est pas explicitée en ces termes, mais nous sommes en guerre contre Paris. Paris qui est contrôlé par les Juifs. Là, l'essentiel de la juiverie est à Paris. L'essentiel du lobby pédo-LGBT est à Paris, je ne vais pas préciser ça davantage. J'ai vu des études sociologiques récentes qui démontrent que Paris, il n'y a plus d'ouvriers dans Paris intramuros, hein, 2 millions d'habitants, etc. C'est là où se situent tous les ministères, le ministère de Bercy pour les finances, le ministère de l'Intérieur, tout est là, et il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus de Français. En fait, il n'y a plus de Français tout court. Il n'y a pas de classe moyenne, il n'y a pas d'ouvriers. Le peuple de souche, hein, n'est plus présent dans Paris. Or, c'est là que se trouvent tous les instruments du pouvoir politique. Ça, c'est un vrai débat. Ça change... Oui, alors, un peu plus à gauche, un peu plus à droite, qu'est-ce que tu me proposes? Ah bah, j'ai du Xavier Bertrand, oh, pas tellement, non. Bon, bah, du Macron, ouais, non, pas. Bon, un peu de Le Pen, non. Vous n'en sortez pas. Alors que quand vous commencez à pointer du doigt les vraies fractures réelles, notamment territoriales, la fracture aussi avec la verticalité du pouvoir, qui est géographique, elle n'est pas seulement théorique, elle est géographique, c'est situé à Paris, le pouvoir central. Qu'est-ce que font ces gens? Ils pilotent le repeuplement de la France. Avec les relais de Paris que sont les préfectures. Voilà, là, on commence à toucher du doigt la machine qui veut nous tuer. Je ne vois pas pourquoi, quand on sait ce que c'est que cette ville de Paris, aujourd'hui, sa composition, qui c'est qui la contrôle, je ne vois pas pourquoi on se subordonnerait à cette ville. et aux élites qui y vivent, alors qu'elles sont occupées à nous tuer. Voilà. Donc ça fait le lien avec ce que je disais sur la Grande Bourgogne Blanche et la mention que fait Fleur en disant j'aimerais trouver un village pour être dans un espace où je puisse vivre normalement, parce que franchement, vous croisez un Afghan, un Bougnoul, un Nègre, ça ruine votre journée, il n'y a rien à faire, quoi. C'est une toxicité, c'est une agression, et il est possible de vivre autrement. C'est possible. C'est possible. Il faut le vouloir. Mais il faut s'attaquer à la machine qui organise tout ça. Donc ce repeuplement que décrit Fleur, elle est de l'autre côté de la chaîne, hein, elle est tout au bout, hein, donc elle prend ça dans la gueule. Donc elle a Coalia, elle a les boudins blancs qui sont employés par la préfecture avec des contrats et tout, machin. Bon, elle subit ça. Mais c'est la machine en elle-même qu'il faut viser. Et c'est là que le séparatisme racial, qui fait écho d'ailleurs au séparatisme, enfin la loi anti-séparatisme pour les gosses qui pourraient recevoir une éducation par les parents, c'est là que c'est l'évidence. C'est là que c'est l'évidence. Oui. Il faut défendre le séparatisme racial. C'est évident. C'est clair, comme le ciel en plein après-midi, par un jour de ciel bleu. C'est évident. C'est évident. C'est évident. Alors moi, j'ai poussé mon concept personnel, personnel entre guillemets. Donc, c'est un petit côté artiste. Donc j'ai parlé de Grande Bourgogne Blanche, un grand mythe qui me paraît mobilisateur. Mais au-delà de la forme, c'est clair que le futur, c'est ça. C'est des zones de peuplement par des Blancs, pour des Blancs qui veulent défendre leur terre. Ce que Jean Raspail appelait des places de sûreté, en référence aux guerres de religion au XVIe siècle. C'est exactement ça. Voilà. Ça, c'est le futur. C'est pas les élections. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui s'obstinent dans cette voie. Bon, qui s'obstinent, mais... Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, hein, mais en plus, ça se produit de fait quand les gens quittent leur quartier, quand ils fuient cette crasse raciale, quand ils... c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils expriment, donc ce n'est pas une idée en l'air comme ça, c'est la réalité. Voilà. Donc maintenant, c'est de le conscientiser et d'en faire une vraie alternative. Ah, c'est autre chose, je suis d'accord, ça ne se décrète pas, ça ne se fait pas en une journée, mais pour moi, c'est le futur. C'est le futur, c'est clair. Et donc, ceux qui proposeront vraiment des alternatives en ce sens-là, il n'y a pas de monopole dans le domaine d'ailleurs, hein, mais ceux qui proposent des alternatives concrètes pour des familles, pour des jeunes hommes, des jeunes femmes, ou pas si jeunes d'ailleurs, c'est eux qui seront dans le vrai. Voilà, c'est ce que je crois. Quelqu'un là-dessus, en particulier, ou pas, ou sur autre chose ? Oui, je suis d'accord, effectivement, ça passera pas par les élections, on est bien d'accord. J'insiste sur le rapport à Paris, parce que on sort quand même de... Alors, le centralisme n'a pas commencé avec le jacobinisme et la Révolution française, mais c'est clair qu'il a pris un virage très radical. Et, les gens se disaient, oui, mais Paris, c'est beau, c'est l'architecture, etc., ça faisait une très belle vitrine pour la France et tout, d'accord, ok, très bien, admettons. Mais ce n'est pas que ça. Et aujourd'hui, c'est certainement pas que ça. Disons que c'est une vitrine. Bah, quand tu vas à Paris aujourd'hui, qu'est-ce que tout le monde... Alors, je veux dire, tout le monde en convient. C'est une poubelle. Alors, les murs sont peut-être très jolis. Mais enfin, ce qui déambule dans les rues, c'est autre chose quand même. Donc, pourquoi ne pas pousser le raisonnement au bout ? Paris étant son modèle. La colonisation parisienne va continuer. Je veux dire, je ne parle pas des Parisiens qui nous écoutent, qui vivent à Paris ou qui ont toujours été à Paris et qui sont d'accord avec nous, je veux dire, hein, qui sont eux-mêmes des victimes, en fait, hein, du grand remplacement. C'est pas ça que j'explique. Mais j'explique que ce modèle cosmopolite parisien s'étend à la France, et que tant que cette machine hyper centralisée pourra dérouler son programme, faut pas s'étonner de voir arriver dans des départements, même très ruraux, l'Afghanistan. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Et ce jacobinisme racial, vous savez, ils ont éliminé les langues régionales comme ça par la force, pour essayer de forger une espèce d'unité nationale. Admettons, pourquoi pas, Je pense que c'était pas nécessaire d'éradiquer les langues ethniques de France, bien au contraire, on peut avoir une unité nationale, bref, ils ont fait ça comme ça. Et maintenant, ils réfléchissent toujours de la même façon, ils disent, on va faire une unité raciale. Comment ? On va disséminer des nègres et des bougnoules partout. C'est le même processus, la même logique. Et si ça va à terme, ça produira les mêmes effets. Donc, je crois qu'il faut commencer à théoriser la guerre contre Paris. C'est pas de s'emparer de l'Élysée et devenir le roi de Paris. Qu'est-ce que ça sert ? À quoi ça sert ? À rien. Vous êtes pris en otage, exactement comme Louis XVI dans ses Tuileries lorsqu'il était assiégé par les sans-culottes. C'est la même chose. Mettez la mère Le Pen à l'Élysée, qu'est-ce que ça va changer ? Quoi ? Il y aura moins de nègres à Paris ? Pas du tout, ça ne changera rien. Donc, c'est mal interprété la situation à mon sens. Voilà. Bon, je m'attarde un peu, mais bon, comme il me semble qu'il y a un manque là-dessus, un angle mort en tout cas, je pense que là, on a quelque chose à... Il y a quelque chose à faire. Personne d'autre là-dessus ? Sur ce courrier, en particulier, non ? D'accord. On remercie Fleur quand même pour son... pour ce courrier, j'ai trouvé ça très intéressant. Rubrique numéro 2, autisme radical. Alors, j'ai adoré ça. Entre guillemets, quoi. Alors, puisqu'on parle de Paris, ça fait ton sur ton. Cyril Hanouna va ajouter une nouvelle corde à son arc. Les Français le connaissaient, animateur de TV, avec notamment l'émission Touche pas à mon poste, ou encore producteur d'émissions télévisées et animateur radio par le passé. Désormais, il faudra également ajouter la mention écrivain à sa carrière professionnelle. En effet, Cyril Hanouna va publier un essai politique le 6 octobre prochain aux éditions Fayard. Intitulé ce que m'ont dit les Français, ce livre sera coécrit avec le journaliste Christophe Barbier. Cet ouvrage. Oh là là. Ah, voilà, c'est une combo. Alors, cet ouvrage, écrit à la première personne, permettra à Cyril Hanouna de livrer, je cite, la vision de la France en 2022. D'après Paris Match, qui a révélé l'information, cette dernière a été en partie confirmée par le principal intéressé via son compte Twitter, où il a partagé la nouvelle discutée sur le plateau de BFM TV, donc avec un emoji clin d'œil. Donc en fait, il a retweeté le petit passage de BFM TV sur la sortie de son livre, avec un petit clin d'œil en disant « oui, je confirme, bien sûr ». Alors, selon nos confrères de Paris Match, des entretiens et des analyses par des chercheurs et des communicants de 3 années d'émissions diffusées sur C8 composeront en partie le fond de son livre. L'écriture de ce livre vient confirmer un rapprochement de plus en plus prononcé entre l'animateur de télévision et la vie politique française. En effet, dans ce contexte, nombreuses sont les rumeurs à lui prêter des ambitions présidentielles, notamment pour 2022, une année qui serait donc également celle de la sortie de ce fameux livre coécrit avec Christophe Barbier. Simple coïncidence ? Une chose est certaine, Cyril Hanouna revendique vouloir jouer le rôle de l'intermédiaire entre les Français et les politiques, à l'instar de ce qu'il a fait lors de la crise des Gilets jaunes, celle du Covid-19, ou encore en abordant lors de ses émissions des faits de société tels que les violences policières ou conjugales. Donc la source de cet article, c'est gala.fr, c'est un peu la presse people, vous connaissez tout ça. Pour Mitch, Hanouna 2022. Le salut par les urnes ? Ah bah oui, il est juif, donc oui. Qui de mieux pour diriger la France qu'un juif ? Voilà, on faisait Moore, Hanouna. Ouais, ok. On sent... Alors, bon, je ne peux pas m'empêcher de pointer du doigt avant de rentrer dans les déclarations d'Hanouna. Tu l'as dit toi-même. Hanouna travaille sur CNews, c'est un salarié de Bolloré, de la même façon que Zemmour. Donc, je veux dire, on a affaire à un oligarque comme Bolloré, un milliardaire, qui visiblement veut jouer un rôle non seulement au plan médiatique, mais il veut façonner un discours, et il met en avant des figures, et on sent en fait qu'il place ses petits chevaux. Et pas n'importe lesquels. Donc on a... On sent bien qu'il veut capter la veine populiste, hein, le sentiment de ras-le-bol, de sentiment de non-représentativité, donc ce qu'on appelle traditionnellement le populisme, quoi. Donc il sait ça, bon, c'est pas un secret, on le voit, hein, l'abstention le démontre aussi, quoi. C'est pas tellement que les gens sont désintéressés, c'est simplement qu'ils ont l'impression d'être impuissants, ils sont résignés. Donc il y a cette colère qui boue, et Bolloré, en bon commerçant, dit, tiens, moi, je vais aller placer mes petits chevaux dans la course. Ça peut mordre. Il lance ses lignes. On va taper à droite avec Zemmour, ça va peut-être mordre. Ah ouais, mais il y a des gens, ils sont pas Zemmour, mais ils sont quand même un peu populistes. Peut-être qu'ils se retrouvaient sur une candidature. Voilà. Mais Hanouna, évidemment, c'est juif, hein, bien sûr. Mais pour moi, on voit là l'intervention inédite jusqu'alors et directe d'un oligarque dans la vie politique française. Ça doit nous parler. Jusqu'à présent, le monde politique, rappelez-vous de Tapie. Alors Tapie n'était pas un milliardaire, hein, c'était un monde vraiment clos. La politique, c'était la politique pure. On appartenait au monde politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et encore, Jean-Marie Le Pen n'a jamais été totalement accepté, en dépit du fait qu'il ait été député à plusieurs reprises, etc. Mais on considérait, n'ayant pas fait une grande carrière, enfin ne provenant pas d'une grande école, etc. En fait, il est toujours resté plus ou moins sur la touche. Et comme il a flatté le sentiment populiste, les élites l'ont constamment, pas brutalement, mais quand même sanctionné avec un traitement tout à fait particulier au plan médiatique. Donc c'était très difficile, en fait, quand on était un oligarque, de vouloir se piquer d'affaires politiques, directement de cette manière. Là, c'est flagrant. Bolloré veut faire de la politique. Bolloré et son fils, quoi, hein, je veux dire, la famille Bolloré. Là, on est sur autre chose. Et ce qui me surprend, c'est la grande faiblesse du pouvoir central. Parce que, en temps normal, et en tout cas jusqu'à une date pas si lointaine, la réaction de l'État français aurait été extrêmement dure. Il y aurait eu un marquage du territoire. Et Bolloré aurait reçu tous les signaux nécessaires pour qu'il arrête. Or, c'est pas que ça leur fait plaisir, mais on sent qu'il y a une espèce de capitulation. Il y a une capitulation très réelle qu'on voit autour d'Europe 1. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Bolloré veut mettre la main sur... Il a mis la main sur Europe 1 et il veut la façonner un petit peu à la CNews. Enfin, il veut imposer sa ligne éditoriale. Vous avez, très intéressant, vous avez les gauchistes historiques qui gueulent. On a vu la vieille mère Sinclair venir beugler, c'était 80, je sais pas quoi, en train de gueuler au pied de l'immeuble d'Europe 1, pour protester contre le fait que Bolloré voulait imposer sa ligne. Bien. Mais c'était... Il n'y avait pas d'écho. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien que avec Bolloré, il y a une montée en puissance des oligarques. Et je crois... Et on l'avait déjà vu avec Drahi, hein, mais Drahi se cantonnait encore à acheter des grands médias. On n'a pas vu encore vraiment un candidat. On va dire aussi, Macron était déjà le candidat des oligarques. C'est vrai, mais il a quand même fait l'ENA, etc. Là, la différence, c'est que Bolloré va carrément attraper des gens qui sont hors politique, mais médiatiques. C'est des juifs médiatiques, Hanouna, Zemmour. Il va les chercher là. J'ai l'impression que les juifs ne veulent plus s'embarrasser d'intermédiaires. Enfin, entre guillemets, parce que en fait les juifs sont les intermédiaires, les parasites, hein, mais ils veulent exploiter directement, quoi. Ils veulent plus passer par des Macron, des trucs, ils veulent carrément gérer l'affaire eux-mêmes. Voilà mon sentiment là-dessus. C'est très symptomatique, je pense. Ça fait marrer tout le monde, hein. Je veux dire, je pense que les gens vont dire bah non, c'est pas possible, il n'y arrivera jamais. Bon, on connaît, quoi. Mais en Ukraine, c'est ce qui s'est passé. Zelensky, je ne sais pas si vous connaissez ce mec-là, le président de l'Ukraine actuel, c'est un juif, c'était un histrion de la télévision. C'est un histrion, c'était un Hanouna. Il n'était pas du tout... voilà. Et il a été soutenu et mis à la tête de l'Ukraine. Donc j'ai le sentiment qu'ils veulent faire la même chose en France. Et j'ai presque envie de dire que la société française, vu son état de délabrement, n'est pas tellement éloignée de cette fin. Hein. Vous imaginez Hanouna à l'Elysée ou pas? Vous pensez que c'est complètement délirant? Vous pensez que ça peut... Il n'y a aucune chance. Qu'est-ce que vous en dites? Donner 6 mois aux médias pour faire un matraquage, pour faire sa campagne, et croyez-moi, ça ne sera plus une blague. Je suis d'accord. Là, les gens, la première réaction, ils vont rigoler. Et je vous promets qu'après 6 mois de lavage de cerveau, vous allez trouver 20% de gogo pour aller voter pour lui. Et avec la tambouille électorale, il passe. Alexis. Oui, bah écoutez, pourquoi pas Hanouna, Karim Benzema, Zinedine Zidane. Je crois qu'on aurait un beau. De toute façon, politiciens, oui, vont voter pour des gens connus, et les jeunes générations décérébrées qui suivent Hanouna n'ont pas les référentiels que nous avons. Ils n'ont pas toute cette culture politique qui les plonge dans, je sais pas, l'histoire du RPR, l'histoire de l'UMP, etc. Puis d'ailleurs, s'intéresser à cette politique-là, ça avait un intérêt finalement assez limité, puisqu'on voit bien les limites de la dictature, mais les limites de la démocratie, pardon. Mais vu que lapsus révélateur. Lapsus révélateur, puisque la pseudo-démocratie est souvent le vent du pouvoir des oligarques et donc du pouvoir de l'argent, quoi, la plutocratie, comme on dit. Donc voilà, en plus, ces ministres ne sont que des valets de chambre de ceux qui ont véritablement le pouvoir, quoi, des gens comme Soros, Bill Gates et tout ça. On voit mal en quoi Macron suit un agenda différent de celui qui est clairement exposé par ses élites mondialistes. Ouais, mais j'ai l'impression, tu vois, que c'est ce que je disais, tu vois, c'est-à-dire que jusqu'à présent, ils faisaient leurs courses dans le personnel politique qui était généré par ces grandes écoles, donc typiquement l'ENA, essentiellement l'ENA, bon, Sciences Po, l'ENA, quelques grands avocats éventuellement, c'était traditionnellement le parcours. Et donc, les grands intérêts se focalisaient sur ça. Mais il y avait des... je pense qu'il y a une rupture d'ailleurs avec l'émergence de Macron et de son pseudo-mouvement, en fait, qui n'a aucun enracinement, aucune réalité, hein. C'est une espèce de... Je sais pas, c'est une marque, quoi, de lessive, quoi, mais il n'y a pas de... Parce qu'en fait, on sort des partis militants, en fait, et des partis de masse. Enfin, il y avait les partis bourgeois avec des notables et des partis de masse. Mais on sort de cette époque-là. Parce que ces partis, qui étaient des sortes de bureaucratie, généraient quand même leur cadre, parmi lesquels les intérêts divers, enfin le grand capitalisme, faisait sa sélection, on va dire, quoi. Visiblement, en tout cas c'est ce que ça... Il y a une espèce de mutation vers la télé-réalité. C'est-à-dire qu'on applique la recette de la télé-réalité à la politique. C'est-à-dire, en fait, il y a des gens médiatiques connus, plébiscités par le public, pour des raisons très variées, et les intérêts, donc les grandes fortunes, le grand capitalisme, le CAC 40, le MEDEF, la finance internationale, et d'autres lobbies, hein, le lobby juif organisé, bien sûr, cherchaient jusqu'à présent, parmi ce qui était disponible au sein des partis, une sorte d'annexe de la bureaucratie gouvernementale, et maintenant, ils disent, mais non, mais en fait, pourquoi perdre son temps? Pourquoi aller là-dedans? Pourquoi on n'irait pas directement créer des candidats nous-mêmes, voilà. Pourquoi pas? Après tout, on a les médias, on peut leur faire leur campagne, pourquoi pas? Avec Macron, il y avait un peu de ça. Presque. Il y avait beaucoup de ça. Il a été poussé en 2 ans. Il a été poussé, enfin, il était fait à partir de rien, mais il était quand même de l'ENA, il avait été ministre de Hollande, bon, c'était un poulain d'Attali, bon, il avait été élevé au bon grain, bien sûr. Mais il venait encore du sérail. Et là, tu as l'impression qu'il dit ouais, non, mais en fait, non, il y a encore trop de pesanteur, en fait. C'est-à-dire que Macron est encore trop retenu par de vieux schémas organisationnels. On n'a pas le temps. Il nous faut une créature malléable à 100%, qui soit à nous. D'où la télé-réalité. C'est-à-dire, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? On n'a qu'à regarder dans nos médias. Alors, BFM, CNews, qu'est-ce qui est populaire? Ah, bah tiens, lui, il est assez populaire. Ah, lui aussi. Je m'étonne d'ailleurs qu'on n'ait pas un footballeur candidat. Zidane, je sais pas. Ça marcherait. Hein. Et en fait, ils te le mettront. Et alors, le mec n'aura pas de réseau. C'est-à-dire qu'il n'a pas un parti derrière lui, il n'a pas une formation militante, il n'y a rien. C'est-à-dire que le type devra tout à ces gens-là. Tout, intégralement. Les soutiens financiers, les relais, etc. Donc le type va absolument tout signer, tout. L'idée même de s'opposer ne lui traversera pas l'esprit, quoi. Et je crois que, enfin, visiblement, avec Hanouna, c'est intégralement... Il n'y a pas de parti Hanouna, il n'y a pas de mouvement derrière lui, c'est intégralement médiatique. Quand Poro dit « Mettez les Goïm pendant 6 mois sous pression intense, pourquoi pas, après tout, j'avais même vu une couverture », je mens pas, hein. C'était dans la presse, c'était... Je crois même que c'était Le Monde, un papier du Monde. Ça, c'est un signal, ça m'avait frappé. Un papier du Monde, très sérieux, sur le fait qu'Hanouna avait changé. Qu'il était devenu quelqu'un de beaucoup plus... qui avait été façonné, buriné par le temps, l'expérience, etc. Je ne blague pas. Et il le mettait en scène, en photographie. Je crois qu'il était accoudé à un flipper. Et l'article commençait en disant le visage avec des rides marquées, etc. Pour, tu sais, pour vanter un peu, tu sais, l'homme qui est passé par les épreuves, quoi, tu vois. Et je me suis dit, putain, c'est pas sérieux quand même. Ils sont pas vraiment en train de me faire croire qu'Hanouna comment dirais-je, a fait Verdun, quoi. Il y a un truc qui colle pas. Et je l'ai mis dans ma tête et puis je suis passé à autre chose, bien sûr. Et là, je vois ça, je me dis, attends, non, ça vient de plus loin, en fait. Mais je veux pas dire non plus que ça y est, c'est bon, Hanouna va être président. Comme je disais, il lance des chevaux. Ils mettent des chevaux sur la ligne de départ. Et ils expérimentent. Ils voient ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, comment ça marche, comment ça marche pas. Mais c'est évident que ils ont ça en tête. Les partis politiques, j'ai le sentiment qu'ils veulent complètement les virer. Et j'en termine, parce que c'est vrai que je suis un peu long, mais La République En Marche, typiquement, c'était ça, hein, c'était créé à partir de rien, autour de Macron, ça c'était même pas vraiment un parti, quoi. C'était... Donc ils ont créé un truc comme ça, à partir de rien, et là, à toutes les élections intermédiaires, ils ont constaté qu'il n'y avait pas d'enracinement, ils ne pouvaient pas créer une structure comme ça, à partir de rien, et ensuite la plaquer sur le pays, et prendre les villes, les départements, etc. Ils ont dit, ça marche pas, en fait. T'as toutes les vieilles structures, des partis bureaucratisés, qui sont là, elles ont leur clientèle, en quelque sorte, elles contrôlent les départements, des villes, des régions, elles ont des relais, et on peut pas s'en débarrasser, en dépit du travail médiatique. Et là, les mecs, ils se disent, bon, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible, il faut liquider les partis politiques. C'est-à-dire qu'ils ont beau être nuls, pourris, responsables de la faillite, ils sont encore trop de l'ancien monde, il faut aussi les passer par pertes et profits. Absolument incroyable. Et j'ai l'impression que c'est ça. Donc, si ça continue à ce rythme-là, dans 5 ans, donc 2022-2027, grosso modo, hein, je te dis, hein, t'auras une star du porno, t'auras un footballeur, t'auras un animateur, Hanouna, deuxième candidature, je sais pas, un animateur, 2-3, voilà. Quand même, un vieux de la vieille, de la politique à l'ancienne, pour bien le ringardiser. Bon, peut-être qu'Asselineau, ils l'ont recyclé d'ici là, pour bien l'humilier. Bah, tu peux tout imaginer. Mais moi, je vois ça comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, moi, je vois ça comme ça, quoi. Ouais, oui, je suis d'accord. Ça peut aller jusqu'à l'Instagrammeuse, le YouTuber, pourquoi pas, Barfly, président, et Carlito, Premier ministre. Tant qu'on arrive à faire voter les gens, c'est ça, quoi. Il faut faire voter les gens. Tu dis, bah oui, ils veulent se débarrasser des partis. Bah, ils ont pas le choix. Aux dernières élections, les partis, ils ont implosé. Ils ont implosé. Le PS est mort. Les Républicains sont morts. Maintenant, c'est autour du FN et En Marche qui fait des scores minables. Les partis ne fonctionnent plus, donc il faut les remplacer. Exactement, ouais. Bah, j'ai le principe d'avoir des catcheurs, des actrices porno au pouvoir. Enfin, il y a ça dans un film qui s'appelle Idiocratie, dont l'intérêt cinématographique est peut-être assez limité, mais qui véhicule des messages intéressants. C'est une personne qui, finalement, est amenée à voir le futur, je crois, 50 ans plus tard. Et en fait, le personnage principal, qui était une personne tout à fait moyenne, qui, finalement, se réveille à un moment où elle devient la personne la plus intelligente de la population, parce que la population, en 50 ans, est devenue d'une bêtise crasse. Et celui qui est devenu président, c'est un catcheur, finalement quelqu'un de complètement stupide. Et d'ailleurs le début de ce film est assez célèbre, puisque une famille de blancs qui sont très très cultivés, très diplômés, qui disent oui, attendez, mais je suis pas sûr d'avoir un enfant. On a 30 ans, c'est vrai, bientôt 35, mais peut-être que l'avenir est incertain et tout ça. Puis on les voit réfléchir d'année en année, peut-être 40 ans, mais finalement les perspectives de croissance sont limitées, c'est peut-être prendre un risque de faire un enfant, etc. Puis à côté de ça, on voit des familles de cassos qui font 10 gosses sans se préoccuper aucunement du futur ni quoi que ce soit, et qui sont quand même qui parviennent tout de même à survivre parce qu'ils arrivent à toucher des aides, etc. C'était un aparté. Non, mais c'est totalement bien senti. Je crois aussi, tu vois, l'histoire d'Hanouna, parce que vous savez, regardez, il y a une ingénierie derrière. Hein. Dans la genèse de son livre, donc il y a Christophe Barbier. Alors, déjà, c'est mauvais signe. Hein. Barbier, c'est vraiment le télégraphiste du système. Du système, quand je dis du système, c'est vraiment les véritables décisionnaires. Quand ils ont pris, lui, c'est le mec, 6 mois avant, il vous explique le pass sanitaire. C'est même pas, c'est à peine un sujet. Lui, il est là, non, non, monsieur, c'est, non, non, mais ça, c'est voilà, c'est, ça va se passer comme ça. Point barre. Il est même dans notre générique. C'est dire. Oui, mais Barbier Duhamel. Hein. C'est, voilà, c'est ah oui, Duhamel, il est bien aussi. Donc les types, voilà. Alors quand vous voyez l'écharpe rouge de cette tête à claque de Barbier arriver quelque part. Vous êtes déjà en alerte, vous dites attention, là, c'est le gros tampon, c'est le gros tampon du système. Voilà, c'est validé, tu vois. Bon, Hanouna est validé, on l'a bien compris. Et en fait, c'est la réponse à Trump, en fait. Alors, c'est expliqué, ils disent, ils ont analysé les 3 années d'émissions qu'il a faites. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ils vont regarder tout ce qu'ont dit les gens pendant 3 ans, qui sont passés dans son émission, en fait. C'est une espèce de sondage géant de la population française, du carottage. Ils regardent les uns, les autres, l'extrême droite, l'extrême gauche, les différents profils sociologiques, les âges, l'origine raciale, les sexes, etc. Et ils veulent voir, ok, quels sont les éléments de cette sociologie qui sont transverses, qu'est-ce qu'il y a transversaux dans tous ces segments, qu'est-ce qui revient constamment. Ils vont ressortir ça, 2, 3, 4 éléments redondants. C'est, je vous dis, c'est la télé-réalité, en fait. La télé-réalité, c'était quoi le principe, avec tous les chanteurs? En fait, tu te fais plus chier à trouver des talents, tu fais venir des mecs qui chantent, parfois comme des casseroles, tu les mets devant une caméra, et tu demandes aux gens de téléphoner pour voter. T'as plus à te faire chier à trouver le talent, tu dis, qu'est-ce qui plaît au peuple, là? Voilà, celui-là, ok, bon, bah alors c'est celui-là. Et tout d'un coup, tu le sponsorises, tu lui fais faire des albums, des tournées, t'as plus à te faire chier, t'as plus à prendre de risques, en fait. C'est la même chose qui est en train de se produire. Et là, avec les 3 ans pour son bouquin, là, ils veulent faire ça. Ils vont dire, de quoi ils parlent les gens là, les goy, hein, de quoi ils parlent tous ces goyim là, qu'est-ce qui les préoccupe en permanence, comment? Et, mais ça, c'est très connu, hein, genre, tous les politiciens le font d'ailleurs, hein, c'est pas nouveau en ce sens-là. Mais lui, il a fait c'était en temps réel, c'était à la télévision. Donc il dit, je vais prendre ça, je vais utiliser ça, je vais prendre les éléments saillants, je vais les garder, je vais en faire un message unique. Voilà. Donc les communicants, ils vont bosser là-dessus. Mais Trump, c'est une vision à très court terme. Ouais. Parce que ce qui ressort des réseaux sociaux, c'est les trucs les plus superficiels. C'est ce qui suscite l'intérêt des gens à très court terme. Moi, je pense que ces candidats qui sont construits comme ça seront des candidats à durée de vie très limitée. On appelle ça des capotes. Pas ceux du Chirac ou du Mitterrand qui ont fait des carrières politiques de 30 ans, qui sont restés à la présidence 14 ans, 12 ans. Là, on a des capotes. Hein. Des capotes. C'est jetable, c'est one shot. Et Macron, c'est déjà ça, c'est one shot. Hein. Et si tu regardes Trump, c'était ça, mais Trump avait une différence. C'était un homme de télévision, Trump, hein. Un homme d'affaires, mais un homme de télévision, très populaire, mais qui, lui, l'a mis à son propre service. C'est-à-dire que le mec était autonome. Donc il s'est dit, je me lance, j'ai mes chances et tout. Il avait mobilisé des cabinets et il faisait des tests comme ça. Il faisait venir des gens dans les salles. Sélectionnés, hein, et ils testaient des clips avec des messages, etc., et ils analysaient les réactions du public, est-ce qu'ils soutenaient, est-ce qu'ils soutenaient pas, etc. Donc ils avaient fait des répétitions générales, en fait. Ensuite, une fois que tu as la formule, il n'y a aucun problème, tu l'étends à une grande audience, tu vois, à une grande salle, truc, ça marche à chaque fois pareil, tu vois, c'est de la technique, ok. Sauf que Trump, dans une certaine mesure, était vraiment populiste, d'une certaine façon, mais en même temps pas formé politiquement, il venait du monde des affaires, donc il avait un certain instinct assez pragmatique, il y avait des trucs qui étaient positifs, mais il y avait aussi, il manquait de vision, en fait. C'est souvent, il y avait une difficulté, on essayait un petit peu de faire plaisir à tout le monde, ça marchait pas. Le seul truc sur lequel il est resté constant, c'est son soutien à Israël, quoi. Je veux dire, là, il soutenait les ultrasionistes, et en fait, c'était lié à son entourage, hein, bien sûr. Mais tout ça pour dire quoi? Homme de médias, très connu, comprenant le public, faisant de la télé-réalité, hein, testant des messages avec des spécialistes, regardant ce qui marche, ce qui marche pas, et ils se lancent. Trump les a fait beaucoup de chier, hein, parce que c'était pas prévu et tout. Et là, les mecs, ils disent, mais en fait, ok, Trump, on s'en a débarrassé. Mais la formule, elle est pas mal. Surtout en ces périodes de crise. Elle est pas mal, cette formule. Pourquoi on l'utiliserait pas à nos fins? Et Hanouna, c'est ça. C'est ni plus ni moins que ça. C'est du Trump. Attention, vous trompez pas sur ce que je dis. C'est pas du Trump dans le message où je compare même pas les personnages. Hein. Je veux dire, c'est la méthodologie Trump. C'est, on récupère la méthodologie Trump et on va essayer de le faire marcher en France pour mettre au pouvoir un fusible. Et ça se trouve, en fait, ils n'ont même pas envie de réussir, là. Ils se disent, on va faire une répétition générale, et on passera aux choses sérieuses en 2027, par exemple. Oui. Mais on est là-dedans. Je pense qu'on est complètement là-dedans, et c'est bizarre, parce que je crois que beaucoup de gens, et notamment les hommes politiques, vont dire, oh, non, Hanouna, c'est un blaireau, on s'en fout, c'est pas sérieux. Tu sais, ils vont réagir comme ça, tu sais, ils vont dire, non, mais c'est... Tu sais, avec beaucoup d'assurance et beaucoup de mépris. Non, arrêtez. Et parce qu'en fait, ils ne voient pas ce qui est en train de se produire. Je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne dis pas qu'il sera élu. Hein. Je ne suis pas en train de dire oh là, au secours, Hanouna, à l'Elysée, etc. Je ne dis pas que ce sera le cas. Mais bon. Quelqu'un d'autre là-dessus sur cette possibilité? Oui, je suis assez d'accord avec tes analyses. Et puis, il y a ce que tu disais tout à l'heure aussi. Le fait que ces deux produits hors sol, Hanouna et Zemmour, bah, c'est des gens de la communauté. Il y a une reprise en main, en ligne directe de la communauté. Ah oui, là, on y est. Hein. Là, c'est clair que... Ce qui est plutôt une bonne chose. Moi, je suis pour. Hein. Je suis pour qu'ils se découvrent, qu'ils se mettent dans la lumière avec leur sale pif. Au moins, bah, nous, ça nous faciliterait le travail. Oui, je suis d'accord. Je pense que Hanouna à l'Elysée ferait considérablement progresser l'antisémitisme. Je pense qu'on peut partir sur cette base. Ce qui serait vrai de Zemmour aussi. Bon, l'antisémitisme ne proviendrait pas forcément des mêmes endroits, mais il arriverait en tout cas au même endroit. Ouais. Ça part pas du même point, mais ça arrive au même point, hein, ça c'est sûr. Personne d'autre là-dessus ? Ouais, bon, l'hypothèse est posée. Nous recevrons les informations ultérieurement. Si les Juifs veulent bien nous en informer. Hein. Nous verrons. Après tout, nous ne sommes que des bêtes. Hein. Alors, rubrique numéro 2, messieurs, Macronie. Je fais le lien hein, brièvement. Bon, l'équipe de France gentiment ramenée à la maison. On n'en a pas parlé de ça d'ailleurs, élimination de l'équipe de France. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est... je pourrais. Vous avez un avis là-dessus? Alexis, toi, tu aimes bien le football. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette élimination assez nette? Le match assez fou d'ailleurs, l'équipe de France qui mène 3-1 à 10 minutes de la fin, qui se fait remonter, qui se fait finalement écraser au tir au but, sur un échec de Mbappé, c'est quand même assez... je veux dire, c'est... Ah, c'est vrai que c'est un peu l'ironie de l'histoire, celui qu'on nous vend comme le meilleur joueur de la planète. Alors c'est vrai qu'il a des qualités de vitesse principalement, mais en tout cas, on voit que c'est pas un dieu du foot encore, hein, il peut faire des erreurs, il en a fait une, mais au-delà de son erreur à lui, il y a eu, bah déjà il a raté plein d'occasions, mais on voit que cette équipe ne s'est pas battue, ils ne sont pas battus les uns pour les autres comme ils auraient dû. Après on a su qu'il y avait des problèmes d'ego. Alors Benzema, après avoir raté les débuts de son euro, a finalement marqué des buts, mais les résultats de l'équipe pour autant n'ont pas été à la hauteur. Et puis ça va faire le lien avec ce que tu vas dire, je pense, c'est que Deschamps, on avait l'impression qu'il maîtrisait moins son sujet que en 2018. En 2018, il tenait son équipe d'une main de fer, on voyait toute la logique de ses changements, de ses dispositions tactiques. Là, il a bricolé des choses. Déjà, bon, il y a eu le retour de Benzema dont on va reparler, mais aussi, semble-t-il, Pogba, donc milieu de terrain guinéen au départ, qui joue pour la France, qui a marqué un but d'ailleurs, mais qui avait dit « Oui, tiens, puisque nos deux arrières-gauches sont blessés, on devrait jouer plutôt comme ceci, comme cela. » Et puis ça a été la version officielle répandue dans les médias, comme quoi Didier Deschamps s'était plié à la recommandation de Paul Pogba pour sa disposition tactique. Alors vous voyez, si vous commencez à écouter tous les desiderata des joueurs, En tant que sélectionneur, vous perdez votre autorité au bout d'un moment, parce que vous pouvez pas faire plaisir à tout le monde. Et comme par hasard, à l'issue de ce bricolage technique ou tactique, finalement la France a été éliminée. Donc on avait l'impression que Deschamps avait un peu perdu la main, ce que je dirais. Mais est-ce que Deschamps n'aurait pas finalement, tout ça étant très politique, est-ce que Deschamps n'aurait pas finalement été très satisfait de voir cet échec, puisque ce n'était pas en réalité ses choix? Avant de m'étendre là-dessus, je vais quand même lire l'article qui nous intéresse. Football365.fr, ça c'est pour la source. Alors je lis, le comeback de Karim Benzema en équipe de France juste avant l'Euro aurait été demandé par le président de la République lui-même. Didier Deschamps aurait-il menti sur les raisons qui l'ont poussé à rappeler Karim Benzema au sein de sa sélection juste avant l'Euro? D'après les révélations faites par le journaliste Romain Molina dans son dernier livre, c'est en effet le cas. Ce n'est pas parce qu'il avait besoin de lui que le patron tricolore a ramené à KB9 mais parce que dans les hauts lieux de l'État, on le lui a imposé. Cela fait 5 ans que Deschamps et Benzema ne se parlaient plus, s'il y a eu réconciliation entre les deux hommes, et que la hache de guerre a été enterrée, c'est grâce à l'intervention d'Emmanuel Macron. Le président de la République a personnellement milité pour le comeback de l'attaquant du Real en bleu. L'ingérence du chef de l'État n'a pas été du goût de la Fédération française de football. Noël Le Graët avait beau affirmer qu'il était très heureux de voir Benzema retrouver sa maison, il ne pensait pas un mot de ce qu'il disait. Le président de la fédération préparait déjà sa contre-attaque à ce moment-là. Il comptait tout mettre sur le dos de l'ancien Lyonnais en cas d'élimination prématurée des Bleus. Le scénario en question s'est vérifié, mais il lui était difficile de mettre son plan à exécution vu les prestations du joueur lors du tournoi. Benzema a fini meilleur buteur français de la compétition à 4 buts inscrits. Alors, ce que je voulais dire, c'est en fait Deschamps. Très clairement. Mais je l'avais dit ça, je ne sais pas dans l'émission, je crois précédemment, on en avait parlé, je crois. Mais de toute façon, sur le site, on en a parlé. Il y a une opération politique derrière tout ça. Je vais revenir, mais ce n'est pas le premier truc qui m'intéresse là. Donc Deschamps, en fait, est devenu le spectateur. Il n'est plus sélectionneur, c'est Macron qui est devenu sélectionneur. Je ne blague pas, mais c'est ce qui s'est passé. Macron s'est improvisé sélectionneur. Il a dit, voilà, je vais composer l'équipe comme ça. Et je veux Karim Benzema, pour des raisons électorales évidentes, 2022 approchant. Et Didier Deschamps, à mon avis, il a dû voir ça, il a dû dire, bah oui, mais je suis sélectionneur peut-être, mais je ne suis pas chef de l'État. Donc, si le chef de l'État s'ingère dans la gestion de l'équipe de France, Didier Deschamps a dû dire, bon, il y a une réalité qui s'impose à moi, je ne peux pas passer outre, quoi, voilà. Le chef de l'État a décidé, je me plie aux volontés du président en fonction. Et donc, c'est comme ça que Benzema est arrivé en sélection, avec toute une série de problèmes, effectivement, des tensions entre les joueurs, on a retrouvé bon, toujours les mêmes. Voilà, hein, ça tout de suite, là, le truc a commencé à monter. Mais, à mon avis, Deschamps n'est pas mécontent de la branlée reçue. Et les appels immédiats de la Fédération française de football à le maintenir, parce qu'il a un contrat encore jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, à le maintenir dans ses fonctions, à mon avis, ne sont pas innocentes non plus. C'est-à-dire que, pour eux, démontrer, enfin, mettre en avant le fait que l'ingérence politique dans la sélection nationale est un désastre, c'est pas plus mal, parce qu'ils ne le voulaient pas. Et là, ils disent, à mon avis, parce que tout ça est très caché en fait, hein, mais à mon avis, dans les couloirs et entre quatre murs, ça doit dire, on vous l'avait bien dit, tas de cons. Et le Macron, ses oreilles doivent siffler. Il doit en avoir d'ailleurs strictement rien à foutre. Mais pour moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et ils se disent, bon, ils ont reçu une bonne leçon cette fois-là. Maintenant, on va pouvoir avancer. Donc je pense que c'est la position de la Fédération française de football. Je pense que c'est la position de Deschamps qui doit, entre guillemets, parce que c'est jamais une satisfaction de perdre, mais il doit rire dans sa barbe de voir les conséquences des conneries de Macron. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Enfin, Alexis, surtout, parce que toi, t'es surtout un fan de foot. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, bah déjà pour des considérations purement financières, Deschamps déjà il a très bien gagné sa vie jusqu'à présent, il est champion du monde hein, en tant que sélectionneur et en tant que joueur, il a déjà eu aussi un super palmarès, champion du monde également, capitaine de l'équipe de France, mais de toute façon donc même s'il virait maintenant, il va toucher l'intégralité de son salaire jusqu'à la fin, puis il sera libre, il pourrait s'engager s'il le souhaite avec tel ou tel club. Mais oui, je pense qu'il avait le sentiment que c'était pas tout à fait son échec à lui, en tout cas que sa responsabilité était limitée, parce qu'on avait tout fait pour le déposséder de ses choix. Et un des exemples de ça, c'est que quand il s'était justifié au départ pour dire « Ouais, Benzema, j'avais pas le choix, j'avais pas trop d'autres joueurs offensifs, il y avait des blessés, tout ça », finalement, quand on regarde bien, il avait pris Griezmann, Mbappé, Benzema, mais aussi Coman, mais aussi Ben Yedder, qui n'a pas joué, je crois, ni non plus le fils de Thuram, le Marcus Thuram, qui joue devant. Donc en fait, il avait pléthore d'attaquants, qu'il n'a pas fait jouer pour certains. Donc il a déséquilibré son équipe, il avait un trop-plein d'attaquants. Donc en fait, il aurait très bien pu se passer de Benzema, il aurait eu déjà suffisamment de joueurs sur le plan, de la quantité, devant. Donc ça tend à accréditer l'idée que c'était un choix qui lui a été imposé. Mais après, sur la personne qui a défendu cette thèse, Romain Molina, c'est quelqu'un dont j'ai suivi certaines vidéos, c'est quelqu'un qui, je pense, est bien renseigné. Alors, quelqu'un qui suit beaucoup le foot, c'est sûr, mais qui aussi cherche à créer des contacts chez des gens haut placés. Il cherche à rentrer dans les hautes sphères, à discuter avec des gens haut placés, à avoir des informations de première main. Je pense que quand il affirme les choses, il a du biscuit, quoi. Je ne pense pas qu'il affirme ça sur la base de rien du tout. Oui, tout à fait. C'était un coup de poker de Macron, mais ce type est nul. Un coup de poker de Macron, pourquoi ? À mon avis, et c'est ma thèse depuis l'origine, parce qu'en fait, j'en parle alors que personne n'en parle. Et la presse footballistique qui en parle n'en parle pas dans les bons termes. On dit, ah là là, ils ont poussé. Depuis des mois, ils poussaient pour l'arrivée de. Le retour de Benzema. C'est une campagne qui était orchestrée de longue date pour organiser le retour de Benzema en équipe de France. Ça, c'est d'une. Autre campagne, parallèle, imposer Zidane, sélectionneur de l'équipe de France. Les deux campagnes étant évidemment liées. Cet effort revient à ce dont je parle et dont je suis le seul à parler à ce stade, en tout cas en ces termes, parce que c'est trop, c'est évident que les journalistes de base ils le savent, ce que je dis, j'enfonce des portes ouvertes, mais personne ne le dit parce que, terreur idéologique oblige, on ne peut pas parler en termes politiquement incorrects, en fait, c'est de la cuisine électorale. Et le deal de Macron, c'est de remettre les clés de la sélection nationale, instrument qui, en plus d'être sportif, est aussi un instrument d'influence, pour faire voter les banlieues dans la bonne direction. Et comment on fait ça ? Eh bien, je te donne un truc, tu me donnes un truc. Je veux des voix, je te donne l'équipe de France. À qui ? Aux Algériens. Donc, clairement, l'idée, c'est le trio infernal, Zidane, Benzema, Mbappé, qui, je le rappelle, est pour moitié algérien, même s'il a une gueule de nègre. Quand Mbappé est revenu après... ça a été une je ne sais pas... Franchement, on ne peut pas dire qu'il a brillé, quoi. Macron l'a caressé dans le sens du poil. Il a touché cette ignace crépue pour le remercier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est pas grave. Oh, t'as raté un pénalty, c'est rien. Tout. Macron, il en a rien à branler de savoir le score de l'équipe de France, il s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est que les bons signaux soient envoyés. Macron, il est sur un autre niveau. Il fait pas football, Macron. Macron, il fait autre chose, il fait des élections. Et lui, il veut que les banlieues votent bien en 2022. Okay ? Donc, le deal, c'est ça. Il va remettre les clés de l'équipe de France au FLN algérien. Ça, c'est le projet de Macron. Et je le dis, j'ose le dire, c'est dans la droite ligne du projet, du rapport Stora sur la guerre d'Algérie. Vous allez me dire, okay, quel rapport entre l'équipe de France et la guerre d'Algérie ? C'est la même chose. C'est-à-dire, tu donnes des trucs qui font plaisir aux bougnoules. Toujours le même truc, voilà, il faut traîner la France dans la merde, mais pas de problème, je vais demander à un bon juif, mon juif Stora, il va me le faire, il va me dire, bon, regarde-moi ce beau rapport, là, personne ne va le dire, mais c'est pas grave, regarde comment il est épais, on fait venir les caméras, etc., là, mais alors messieurs les Algériens, regardez, alors là, le juif, là, il s'est fait plaisir, alors là, il a dégueulé sur la France toutes les pages, il y en a partout, oh, extraordinaire, là, vous êtes satisfait, là, voilà. Ça c'est un hors-d'œuvre, j'ai encore mieux pour vous, l'équipe de France, qu'est-ce que vous diriez si je vous filais l'équipe de France, putain. Les bougnoules, ils en peuvent plus, ils ont la tête qui pète. Il y a la tête qui pète, voilà, c'est bon. C'est ça le deal, voilà, parler, quand on parle en bon français, c'est ça. Vous pouvez toujours courir, on trouvait ça dans la presse spécialisée, hein. On va vous dire ça comme ça, j'aime autant. Mais c'est ça, c'est le fond du truc, voilà. Vous voyez, je suis meilleur que Robert Ménès. Pourtant, je connais rien au football, mais je comprends tout. C'est ça le truc. Le pauvre Robert a des emmerdes en ce moment. Il a touché le cul des filles un peu trop près. Il est obligé de forcer, les gens lui reprochent, ouais, il a forcé, etc. Mais c'est, attendez, avec un physique comme ça, vous croyez quoi que ça vient par la séduction ? Pierre Ménage, je crois. Hein ? Je crois que son prénom, c'est Pierre, dont tu veux parler. Pierre Ménage. Ouais, non. Oh, je m'écarte un petit peu, là. Mais... C'est un type, en fait, tu vois, en privé, il peut pas saquer les bougnoules, mais en public, il les adore, tu vois. Et j'aime voir ces hypocrites-là, moi, tu vois. Bon. Voilà, enfin bon, il voulait faire carrière et ça l'a quand même rattrapé, voilà, tu vois. Mais là, je parle des commentateurs sportifs, des mecs qui font. Alors, Pascal Praud, c'est pareil, Pascal Praud, tu sais, il vient du foot, Pascal. Il vient du foot. C'est pas un politique au départ. Là, il fait du politique maintenant, mais il vient du foot. Et attends. Riolo, c'est pareil, hein. Riolo, son bouquin, là, Racaille Football Club, oh, putain, ça. il balance deux, trois trucs, quoi, je veux dire. Hein, tu vois, c'est ce côté faux cul que j'aime pas, tu vois. C'est en fait. Ils aiment les nègres quand ils plantent des buts, mais sinon ils les aiment pas, tu vois. Bon, bah moi j'aime jamais les nègres quand ils plantent des buts, encore moins que quand ils en plantent pas, tu vois. Je les aime pas, tu vois. Donc je les veux pas sous mon nez, je veux une équipe blanche. Je préfère une équipe blanche de CFA2 qu'une équipe de mercenaires de toute l'Afrique de l'Ouest qui fait des quarts de finale en euros, je m'en fous, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alexis, de tout ça? On est loin du sport, finalement. On est très loin du sport. Très, très loin du sport. C'est là que les vrais fans de foot, ils sont lésés, quoi, en fait, tu vois. Les gens qui aiment vraiment le sport, le football, pour la pratique elle-même, ils sont pris en otage. Parce que du coup, ça leur coûte ça leur coûte des victoires, quoi, hein, ces conneries-là. C'est, pour le coup, c'est ce qui se passe, quoi. Oui, bon, ce qui est certain, c'est que le foot est un des sports les plus suivis. Macron, son équipe, les gens autour, comme Attali, je pense, oui, ils voient, voilà. S'il y avait eu l'équipe de France championne d'Europe avec Benzema qui marque, ou en tout cas qui est titulaire dans l'équipe, avec Mbappé, avec Pogba, Kanté, tout ça, vous auriez eu, oui, oh oui, formidable, la France Black Bomber et tout ça. Et on voyait aussi parmi les signaux envoyés au régime, à la fois par le régime envers l'équipe de France, mais aussi réciproquement, Mbappé s'était fait vacciner en public, par exemple. Ouais, je me rappelle, ouais. Il y avait, ouais, la photo, ouais, je me rappelle de ça. Ouais. D'ailleurs, tu te rappelles, là, il y a eu toute une polémique autour du joueur danois là, qui s'est écroulé, il a fait un malaise cardiaque, polémique, vacciné, pas vacciné, il y a eu des démentis, des trucs, tout, c'était assez intéressant ça aussi. Hein. Voilà, moi, je dérive un peu. Hein. Oui, alors semble-t-il, il ne l'a pas été, mais il y a des joueurs de haut niveau qui ont eu des athlètes de haut niveau qui ont eu des soucis, comme vous connaissez Christophe Lemaître, peut-être, qui fait du 100 mètres et du 200 mètres, dont les performances ont baissé nettement suite au vaccin et qui, du coup, n'est pas en mesure de... Et ça a été reconnu officiellement, hein, il l'a dit lui-même, donc il ne participera pas au JO de Tokyo, par conséquent. Il y a aussi un joueur pro... par exemple, Arturo Vidal, hein, qui est un Chilien qui joue pour l'Inter, donc quelqu'un normalement en parfaite santé, qui a été hospitalisé suite à son injection. C'était dans la presse, alors c'est hispanophone, mais je pense que c'était la presse de son pays, quoi, la presse chilienne. Oui, c'est ouais, tout à fait. Mais oui, mais enfin, avec Mbappé, la prise de photo, enfin, on voit bien la reprise en main. Enfin, c'est tout devient très très politisé. Il y a beaucoup de messages. Voilà, et puis avec les réseaux sociaux, Instagram, etc., ces mecs-là servent de vecteur en fait au système. Hein. Ils s'en foutent, hein, parce que les nègres et les bicots, ils aiment que le pognon. Donc, et le clinquant, quoi. C'est des gens, ils ont aucun idéal, tu vois. Ils ont. Tu vois, c'est pas des gens qui sont capables de. C'est des gens vénaux, c'est ça que je veux dire. Donc c'est des gens que tu peux très facilement instrumentaliser, quoi. Ouais. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas de blancs qui peuvent pas être instrumentalisés, c'est pas ce que je veux dire, ou qu'il n'y a pas de blancs qui sont vénaux, c'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Mais chez ces gens-là, c'est très très marqué, quoi. Eux, ils sont là, tu leur proposes une Lamborghini, ils font ce que tu veux. Hein. Franchement, voilà. Alors du coup, je voulais quand même, juste en passant, dire que... il n'y avait pas que le foot, il y a le Tour de France, on en a parlé un petit peu entre nous aussi hier. J'ai bien apprécié les premières étapes du Tour de France et faudra peut-être en revenir dans les semaines suivantes parce que le Tour continue, mais pour le coup il y a une performance que je trouve extraordinaire et, alors les gens vont me dire ouais, mais il y a du dopage etc., et justement il faudrait parler de cette question du dopage dans le cyclisme, à quel point c'est monté en épingle. Allez, on n'en parle jamais dans le football et on en parle tout le temps dans le cyclisme, et pourquoi spécialement dans le Tour de France, quelles sont les intentions derrière tout ça, et ça relie ça. C'est beaucoup relié aussi au boycott organisé par les villes écolo-communistes, notamment Rennes, hein, de cette atroce Nathalie Appéré. Et puis là, les fous là, de Grenoble, Lyon, enfin tous les tarés quoi, de l'écolo-communisme. Donc il existe des sports nobles où ça transparaît sur les sportifs. Et on nous épargne toutes ces conneries-là, quoi. Je veux dire, bon, Macron va sûrement pointer son nez sur le Tour de France, je veux dire. Mais comme il n'y a pas la même médiatisation, il n'y a pas le même public, ça reste un truc autrement plus européen, en fait. Le Tour de France est très européen, je trouve ça génial. J'aime beaucoup le Tour. Hein. C'est un spectacle extraordinaire à voir, vraiment. C'est... De toute façon, sur la médiatisation du dopage dans le cyclisme, c'est très simple. C'est la même chose que la médiatisation de la pédophilie dans l'Église catholique. Il s'agit de leur dégueuler dessus. Hein. C'est évidemment que les mecs qui jouent au foot, on vient d'en parler, sont tous dopés. Hein. Mais évidemment, on ne vous le dira jamais. Et ouais, par contre, ouais. Oui, le cyclisme, qui est un sport populaire, il faut le salir, il faut lui dégueuler dessus. Donc on y va, quoi. C'est totalement de la propagande. Ouais, totalement, comme Zidane à la Juve, ça a été enterré, hein, toutes les affaires de dopage. Et donc il y a une indulgence extraordinaire avec le football, posez-vous la question pourquoi, et pourquoi avec le Tour de France, régulièrement, il y a des campagnes d'attaque, etc. Je veux dire. Mais il faudrait qu'on en reparle et on aura l'occasion, puisque le tour continue et tout. En tout cas, ça a commencé en Bretagne, 4 étapes extraordinaires, magnifiques, des paysages fabuleux. Vraiment, hein, c'est. Beaucoup. En Bretagne, là, ils ont le mur de Bretagne, là, la finale sur la deuxième étape. C'était magnifique. Puis il y a des moments d'intensité, parce que sur l'arrivée, je sais pas, je crois qu'Alexis l'a regardé aussi comme moi. Sur l'arrivée, là, il y a un accident, donc t'as deux coureurs qui tombent à quelques dizaines de mètres de la ligne d'arrivée. Donc, ils sont à fond dans l'effort, et puis à la fin, c'est un peu le drame. Et ils sont par terre, etc. Donc il y a énormément, je trouve qu'il y a... C'est dramatique au sens positif du terme, quoi. Il y a beaucoup d'enjeux, et c'est noble, quoi, c'est beau. Tout est beau, je trouve, tout est beau, quoi. Il y a rien qui cloche, quoi. Tout le monde est blanc. J'ai vu un coureur noir, mais tout est blanc. Les paysages sont extraordinaires. Il y a de la souffrance, il y a de l'intelligence. Il y a rien à faire, ça, c'est beau. Alors que l'Euro 2021, bon, on mettrait encore des équipes européennes. Je regarderais ça d'un regard peut-être, même certainement différent, mais même, je veux dire. Quand tu regardes le produit fini, c'est-à-dire le sportif, c'est intéressant quand même. Quand tu vois le cycliste, tu vois qu'il n'a pas été façonné de la même manière par sa discipline qu'un putain de babouin comme Mbappé, quoi. Je veux dire... Parce qu'au fond, j'exagère un peu, mais au fond, ils font du footing. Hein. J'exagère. Bon, on va peut-être me dire que je déconne, mais en gros, ils font du footing pendant 1h30, et puis voilà. Quoi. Bon, bref. Alexis, peut-être quelqu'un... Non ? Tu t'inscrirais peut-être en faux sur ce que j'ai dit là, j'ai été un peu trop loin. Non, c'est tout à fait juste. Bah, dans le Tour de France, il y a 180 coureurs à peu près, donc sur une semaine, ils font à peu près 1200-1300 km, donc il faut pédaler, hein, qu'on ait ou pas des produits, et même s'ils en ont, parce que chacun cherche à améliorer ses performances, parfois ça va trop loin effectivement, parce que c'est au mépris de la santé sur le long terme, mais ça existe dans le... Ça existe dans tous les sports et notamment dans le foot. Il y avait même des joueurs qui avaient été contrôlés positifs très officiellement. La plupart n'ont pas eu de sanctions. Hein. C'était arrivé notamment même chez des gardiens, vous voyez. Bon, Oliver Kahn, par exemple, pour le Bayern ou autre. Mais et le cyclisme, ouais, bah même si on n'est pas à fond sur la course, si on n'est pas concentré à fond sur la course, bon, on a quand même les paysages, on a quand même la possibilité de voyager un peu partout dans les différentes régions, et ma foi, si le temps est de la partie, puisque parfois il pleut aussi, bon bah si le temps est de la partie, c'est quand même beau, et puis même s'il pleut ou si parfois il y a de la grêle, etc., ou du vent, ça en renforce encore plus l'admiration qu'on peut avoir pour des coureurs, hein. Je répète, il faut quand même bien pédaler, et puis... On avait vendu la légende du cyclisme, du cycliste dopé, du cycliste stupide aussi. On a dit, ah oui, ils sont bêtes, etc. Alors que vous avez des gens qui ont tout à fait la tête sur les épaules. On voyait quelqu'un comme Bernard Hinault qui a gagné 5 fois le tour. Quand on l'entendait parler, je ne crois pas qu'il soit plus stupide que Marlène Schiappa ou que je ne sais pas qui. Sauf que lui, il a gagné 5 tours et c'était à la force de la pédale. Hein. Bon. Ouais, t'as des moments aussi, je trouvais ça. C'est pas uniquement du spectacle. Il y a du spectacle, mais c'est des choses authentiques. T'as Van Der Poel, là, le jeune, là, qui a pris le maillot jaune à la deuxième étape. C'est Alaphilippe qui l'avait pris à la première étape. Et t'as Van Der Poel qui l'a pris à la deuxième. Et c'est le petit-fils de, comment dirais-je, de Poulidor. Alors lui, d'origine hollandaise, mais le grand-père, c'est Poulidor. et il n'avait jamais eu le maillot jaune. Donc pour lui, c'était un moment extraordinaire, tu vois. Et ça, tu le vis sur l'écran. D'ailleurs, Van Der Poel, il était très très ému. Il pleurait après avoir remporté l'étape et pris le maillot. Et c'était ça c'est des moments. Ça c'est de la sincérité intégralement européenne, quoi. Tu vois. Tu vois pas ça dans le football. Tu vois. Voilà. Ça me parle. Voilà. Ça me parle. Parce que tu vois, c'est de la pudeur, c'est pas mis en avant, il est juste là, tu vois, il attend de passer sur le podium, il a gagné, tu vois, il est assis et tout, puis il s'écroule, quoi, tu vois, il pleure, tu vois, il est... et puis il y a son staff autour de lui, tu vois, et voilà. Alors évidemment, il y a des caméras, on voit, mais c'est pas du chiqué, quoi, tout ça, c'est authentique, c'est de la souffrance, c'est de l'émotion, c'est des histoires, c'est un héritage familial sur les épaules, tu vois, il y a un challenge, une angoisse, la réussite est là, tu vois, tout d'un coup, le type est transporté, c'est des années d'efforts, tu vois, et tout ça, c'est là, c'est devant toi. Et dans une très grande simplicité, parce qu'au fond, quand ils sont là à l'arrivée, en fait, il y a un petit peu le public et tout, mais il n'y a pas non plus, je veux dire, t'as pas un torrent de gens autour d'eux non plus, voilà, c'est ça reste très accessible, je trouve. Et ça c'est beau, au sens le plus vrai du terme. Enfin, moi, l'euro, je peux pas. Hein. Je jette pas la pierre sur les sélections sélections nationales qui le méritent à l'euro, je veux dire, il n'y a pas de problème, mais je ressens pas, j'ai pas les mêmes émotions quand je regarde. Donc, voilà. C'est clair. Je trouvais que c'était bien d'en parler. Ça méritait de s'y arrêter. Côté, côté un peu factice aujourd'hui du sport système, quoi. Avec les gros trucs. Bon, après, le Tour de France, s'il y a un côté sport système, je vais pas le dire l'inverse, mais c'est tellement moindre. Alors, nous allons maintenant parler de la dictature sanitaire qui s'instaure inexorablement, puisque... Elle se donne à voir sans aucune espèce de faux semblant. La nouvelle de la semaine, incontestablement, c'est l'annonce, le ballon d'essai, devrais-je dire, de la vaccination obligatoire. Je donnerai mon impression là-dessus, bien sûr. Mais d'abord, les faits, cités ici par Public Sénat, la chaîne du Sénat, bien sûr. Donc, il n'y a pas plus autorisé. Hein. Voici ce que ça nous dit. Pour transformer la future vague en vaguelette, les membres de la Chambre haute, donc le Sénat, formulent plusieurs recommandations. D'abord, ils jugent insuffisant le nombre de vaccinés en France. Je cite, « 34 millions de Français ont reçu une dose, c'est insuffisant, il en faut 10 millions de plus », a prévenu Bernard Jomier. Donc c'était le sénateur qui portait un rapport qui a été remis au Sénat sur la question justement de la vaccination, notamment de l'hypothèse de la vaccination obligatoire. Pour faire repartir des vaccinations qui stagnent, les parlementaires proposent donc de développer une stratégie, je cite, « d'aller vers les gens ». Comprendre, ne plus se contenter de centres de vaccination et mettre en place une politique active. Aller vers les populations qui vivent dans les quartiers, les communes très touchées, notamment via la médecine de ville. Surtout, les sénateurs préconisent la vaccination obligatoire en se concentrant, dans un premier temps, vers les seules classes d'âge intermédiaires, 24 ans, 59 ans. La vaccination des soignants est légitime, mais son impact n'est pas de nature à changer totalement l'épidémie. Les 18-59 ans, donc en gros les actifs, quoi, sont très contributifs à la circulation du virus. Une décision doit être prise d'ici mi-juillet, a demandé Bernard Jomier, sénateur. Donc, les sénateurs souhaitent donc la saisine en urgence du Haut Conseil de la Santé publique et de la Conférence nationale de la santé, afin que l'avis de ces deux organismes puisse asseoir la légitimité des décisions à venir, donc en faveur de la vaccination obligatoire des 18-59 ans. Pour l'heure, interrogé sur la possibilité de rendre la vaccination obligatoire pour, par exemple, se rendre au restaurant ou au musée, Gabriel Attal, donc le porte-parole d'origine juive du gouvernement français, a posé deux conditions ce jeudi sur LCI. D'une part, qu'une telle évolution soit efficace pour convaincre de se faire vacciner, et deuxièmement, qu'elle soit faisable, c'est-à-dire que le contrôle des personnes à l'entrée des établissements soit opérationnel techniquement. Toutefois, avant d'en arriver là, il faut continuer à déployer des efforts pour aller convaincre ceux qui ne sont pas vaccinés, je cite hein, Attal, en mobilisant les médecins traitants et en posant à partir d'un certain moment la question de la gratuité du test. Donc en fait, de la remettre en cause, en fait, la gratuité du test. C'est-à-dire en fait, de vous faire payer à chaque fois. Pour éviter de se faire vacciner, vous faites des tests, et ils veulent les rendre payants pour que ça soit dissuasif et que vous fassiez vacciner. Vous avez compris la mécanique. L'élargissement du recours au pass sanitaire, déjà activé depuis le 9 juin, où le fait de se rendre ou de rendre payant les tests de confort sont aussi en discussion. Il faut renforcer l'incitation, mais la question de l'obligation vaccinale n'est pas taboue et n'est pas une atteinte aux libertés individuelles, a martelé Bernard Jomier en conférence de presse, donc le fameux sénateur porteur du rapport qui appelle à vacciner obligatoirement les 18-59 ans. Alors, depuis, il y a eu... Alors, ce n'était pas un propos du gouvernement, hein, ça venait du Sénat, mais on sent qu'ils sont tous dans la concertation. Vous avez entendu la semaine dernière le gros Le Chypre menacer carrément la population de représailles. Il a dit qu'il fallait transformer les gens en parias, hein, il fallait organiser la ségrégation des gens qui refusent de se faire vacciner. Donc il y a eu ce premier appel, il y a eu toute une série d'autres intervenants qui parlaient de la même manière. On a eu un habit bol, encore un juif, étonnant, qui s'occupe d'une agence de voyage, et sur Europe 1, lui, il voulait vacciner tout le monde obligatoirement. Donc toute cette semaine, nous avons entendu des voix, et aussi des nez, hein, il faut bien le dire, appelés à vacciner obligatoirement. Sur ce tombe ce rapport, le hasard fait bien les choses, avec beaucoup de parenthèses, et le gouvernement réagit. Alors ça, c'est de la mise en scène typique. Donc les types, ils disent, donc Castex dit, c'est marrant, hein, il dit... Oui, oui, il va falloir vacciner obligatoirement, etc. Et le lendemain, Véran dit, oui, mais non, mais en fait, non. C'est juste parce que, ce qu'avait dit Castex, c'est il faut vacciner obligatoirement les soignants et d'autres personnes, sous-entendu la population. Donc, toute cette semaine, c'était ça. Et puis Véran est arrivé en faisant semblant d'apaiser, juge de paix, quoi. Non, mais en fait, rassurez-vous, c'est juste les soignants, quoi. Donc, en fait, tu fais monter le cran, peut-être, tu vois. Ça, c'est un truc en négociation, c'est classique, voilà. Tu mets 100 sur la table d'emblée, et en fait, ton objectif, c'est 50. Tu mets 100 sur la table, les mecs sont tous scandalisés. Bon, ok, d'accord, 50. Et là, demander, bon, d'accord, je cède. Tu vois, c'est exactement ce qui se passe. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est que à la, septembre, octobre, c'est acté, c'est vaccin obligatoire. C'est comme le passeport sanitaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce truc-là? Est-ce que vous avez suivi toute cette séquence, tous ces trucs-là, là, ces appels à vacciner obligatoirement, cette mise en scène? Qu'est-ce que vous en dites, quoi, aussi, en termes de concret, quoi, en termes de conséquences, quoi? Oui, Apolline Malherbe aussi, sur BFM, RMC, a parlé des brebis galeuses au sujet des personnes qui n'étaient pas encore vaccinées. Oui, c'est un des exemples. Caroline Forest aussi, je crois que c'est par écrit qu'elle a écrit quelque chose. Oui, dans Marianne, où elle dit, elle reprend l'argument, ça c'est, faudra qu'on en parle aussi, elle dit les non-vaccinés sont en danger pour les vaccinés. Elle le dit texto, mais je veux dire, c'est Caroline Forest, quoi, qui se pique de santé. Madame Santé, Conseil Santé, bonjour. Caroline Forest, voilà. Elle, elle a un avis sur tout, la laïcité, la santé... C'est bizarre, elle n'a pas été nommée au prix Nobel. Vas-y, hein, oui, j'étais déjà attaqué au professeur Montagnier quand il avait parlé de l'origine artificielle du virus, hein, il y a un an, un peu plus d'un an. Qui, lui, est prix Nobel, pour le coup. Oui, mais c'est, en fait, Caroline Forest le méritait, mais en fait, c'est les hommes et les musulmans qui l'ont empêché de devenir prix Nobel de médecine, certainement, quoi. C'est... Enfin bon... Sinon, ouais, Apolline Malherbe, l'économiste aussi Thomas Porcher, qui d'ailleurs, là, on voit les accointances entre qui est un stalinien radical, hein, qui est un communiste, Thomas Porcher, qui passe pourtant chez Hanouna, enfin, sur tous les plateaux télé, et qui là aussi a dit que les gens devaient être un petit peu des parias, voilà, des gens pas vaccinés, qu'il fallait leur rendre la vie impossible. Il avait dit ces choses-là, d'ailleurs. La première fois que j'ai entendu parler de lui, c'est quand il avait dit que la France n'avait pas de dette, ou que la dette ne posait pas problème, puisque l'ensemble des immeubles et des différents biens possédés par les Français, leur montant total, leur valeur totale était supérieure à la dette. Et ils faisaient comme si l'État français possédait en réalité l'intégralité des châteaux, des maisons, des trucs. Ah bah oui, mais dans une logique collectiviste, voilà, mais... c'est pas une... Tu vois, lui, il se dit, ouais, non, non, mais on prend tout. Je veux dire... Et curieusement, il devient des acteurs, bon, à sa mesure, hein. Je pense pas que ce soit quelqu'un de très, très, très influent, mais bon... En tout cas, son logiciel colle très bien avec le grand reset. On est passé du stalinisme au grand reset. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Bon. Son profil ressemble assez à... C'est Vandenranst ? en Belgique. Van Ranst. Qui fait des préfaces d'ouvrages des grands leaders du Parti du Travail de Belgique, une organisation, je l'ai déjà dit, marxiste-léniniste, donc stalinienne, non repentie, vraiment. Et il écrit des trucs, il dégueule sur les nationalistes flamands auxquels il reproche le racisme, en fait. Hein, voilà. Et lui-même est le piqueur en chef de Belgique. Et j'ai vu la vidéo, hein, Fulbert, que tu avais citée souvent, en disant, voilà, il fait une conférence devant un public anglo-saxon, d'ailleurs. Hein. Je crois que ça se passe en Grande-Bretagne, me semble-t-il. Si c'est pas ça, de toute façon, c'est bon. C'est un peu la... C'est cela. Ouais. Moi, je disais que c'était devant un public cosmopolite. C'est ça, tout à fait. Mais je crois que c'est une fondation globaliste quelconque, dans laquelle, effectivement, il explique sa recette. Il dit, voilà, alors le premier jour, il faut faire comme ça, il faut dire qu'on a des solutions. Et bon, c'est vrai que cette vidéo mérite d'être vue. Je me permets de t'interrompre, mais surtout, ce qu'il dit, c'est qu'il faut imposer une procéder par la peur sur la population pour pouvoir justement imposer une vaccination, etc., etc. Il dit en clair qu'il faut jouer sur la peur. Oui, tout à fait. Elle mérite d'être vue. Alors évidemment, on lui a dit, oui, non, mais on a tronqué mes propos, etc. Bon, on connaît, quoi. Mais bon, tout ça pour dire que Ranst est un marxiste. C'est un marxiste. Il est en lien avec les globalistes les plus autorisés, et d'ailleurs les grandes finances les plus autorisées. Et c'est un vaccinateur forcené. Et son profil, alors, lui est un... Il vient du domaine de la médecine, et, tandis que Porcher, ce n'est pas le cas. Hein. Mais Porcher est quand même un marxiste-léniniste qui a des rêves de collectivisme, quand même. Et on voit bien que ces gens-là ont bien saisi que... alors, soit qu'on les a démarchés avant, soit qu'ils l'ont compris eux-mêmes, ils ont bien compris que la tyrannie sanitaire, cette dictature sanitaire, permettait de décréter un état d'urgence perpétuel pour réorganiser la société sur les bases auxquelles ils aspirent, c'est-à-dire les bases du marxisme, du communisme, ni plus ni moins. Hein. C'est-à-dire que l'État contrôle tout, possède tout, décide de tout. C'est ça qui les anime. Hein. Je veux dire, on ne les retrouve pas là par hasard. Hein. En tout cas, dans le cas de Porcher, ça me paraît évident. Hein. Donc c'est bien d'avoir cité ce nom-là. Hein. De la même façon que Forest, je veux dire, Forest, voilà, elle a un avis sur la vaccination, mais je veux dire, c'est cité dans Marianne, quoi, tu vois, ah bon, voilà, tu sais, je veux dire, c'est ils ont des dadas comme ça, tu sais, laïcité bougnoule, tu vois, et puis là, faut pas oublier les sales blancs quand même, ils veulent pas se faire vacciner, ces enculés là, tu vois, ah bah allez, tiens. Alors évidemment, personne n'y s'attribue, quoi, sauf les gens d'extrême droite comme nous qui ont envie de dire du mal de Forest par principe, parce qu'elle a une tête à claque déjà pour commencer, puis deuxièmement parce qu'elle est nulle, quoi. Mais il y a des convergences. Et alors sur la vaccination obligatoire elle-même, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est moi je pense que c'est le projet, mais est-ce que vous dites en fait c'est bon, ils ont définitivement écarté le truc, ils reviendront plus jamais avec ça. Comment vous voyez ça, vous? Puis en pratique, quoi. Je vais pas vous demander ce que vous faites, parce que tant qu'on n'est pas confronté au truc. Mais est-ce que c'est réalisable seulement, de votre point de vue? Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent le faire? Oui, ça dépend de la docilité de la population. Non, mais en pratique, si tu dis, voilà, on va les vacciner de force. Concrètement, comment tu fais ça, quoi? Je veux dire. Bah, évidemment, ils vont pas. Je pense pas qu'ils vont envoyer des miliciens, des policiers avec des infirmiers vacciner les gens de force chez eux, ou les ramener, comme disait l'autre gros connard, là, j'ai oublié le nom, ramener les gens dans les centres de vaccination de policiers. Mais par contre, c'est vrai qu'ils peuvent, vous tuer socialement. C'est-à-dire que s'ils mettent des checkpoints, des checks Covid, hein, des checks QR code à l'entrée des magasins, par exemple, vous faites comment? Si vous ne pouvez plus aller faire vos courses. Alors, Australie, c'est en vigueur, ça. Je crois que c'était décidé. C'est plus grave que prévu. C'est-à-dire que c'est ce que j'avais annoncé dans l'émission et tout. Hein, j'en ai vraiment parlé, les auditeurs. Je ne sais pas s'il y a des auditeurs vraiment assidus qui s'en rappellent, pourront peut-être la retrouver, l'émission. J'avais dit que l'objectif, c'était carrément d'empêcher les gens d'aller au supermarché, où tu ne peux vraiment plus acheter tes courgettes, quoi, tu vois. Et en Australie, me semble que c'est l'Australie, ils viennent de faire passer cette décision. Oui, ben voilà, mais c'est ce qu'ils vont faire en France aussi, hein, parce que c'est clair qu'ils veulent vacciner les gens, et c'est ce qu'ils vont faire. Bon, après, tu l'as expliqué comment fonctionne la propagande, les ballons d'essai, les outrances, et puis on recule un peu. Enfin bon, tu as expliqué tout ça. Bon, c'est clair, hein, on est rentré en phase de conditionnement, et puis voilà, dans 6 mois, on y est. Ouais, je pense à la rentrée, moi, je pense. D'ailleurs, tu sais, ils jouent avec la quatrième vague. De toute façon, on les a tous eus. Delfrécy, Blachier, Lacombe. Alors, le trio infernal. Et Fischer, le juif. Quand tu vois là le quatuor arriver, on va dire « Ah, quatrième vague !» Mais on pourrait peut-être s'arrêter, d'ailleurs, Alexis, tu pourras y répondre, sur l'argument bidon qui est le leur. C'était déjà le cas avec les pattes dans les Landes, là. Les mecs te disent... D'ailleurs, le professeur Marty, ça a été cité d'ailleurs par ça a été cité par un membre de ELB d'ailleurs. Comment dire? Je crois que c'est Bobby Fischer, le pseudo, qui en a parlé. Je le salue au passage. Il avait uploadé sur BitChute. C'était cette semaine, hein, où tu as le professeur Marty, c'est un docteur, vous connaissez, je pense, hein, il passe souvent à la télévision, qui faisait face à Karim Zeribi. Pour une fois, Karim Zeribi, qui par ailleurs est un sale bougnoule. Un bougnoule écologiste. Alors ça, je trouve ça génial. La France produit des concepts. C'est bon. Comment dire donc Karim Zeribi, il est là, tu vois, mais il reste un bougnoule. T'es quand même avec le nez un peu. T'es le rat là. T'sais, il y a un piège. Il y a un gros morceau de fromage dessus, tu vois. Mais il est là. T'sais, il y a un truc qui cloche dans cette affaire là. Tu vois. Donc t'as le maghrébin. Tu vois, il regarde. Et le Zeribi, ben le Zeribi, il avait raison. Il dit, mais attendez, vous nous racontez avec son accent du sud là. Mais vous racontez, vous dites tout et n'importe quoi. Vous dites un truc, un coup, il faut le math, il faut pas le math, il faut le truc. Machin. Donc comment vous prendre au sérieux? Au bout d'un moment, il y a un doute. Et là, il y a le professeur Marty qui lui répond, oui, mais comment dirais-je, et la pression de sélection. Vous en faites quoi, monsieur Zeribi? Est-ce que vous savez ce que c'est, la pression de sélection? Zeribi, il est là, il dit, tu sais, il regarde un peu con, il dit, bah non, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, mais Marty n'a pas trop élaboré. Il a dit, on a un vrai danger, parce que c'est-à-dire que les variants chez les non-vaccinés peuvent devenir dangereux et se transmettre. Mais en fait, Marty, il a raconté que ce qu'il voulait bien raconter. C'est ce que j'ai développé ici ces dernières semaines, notamment en citant la maladie de Marek. Et ça m'a fait plaisir de voir, d'abord, que les membres de ELB sont vigilants et réagissent très vite et chopent les moments vidéo et les mettent à la fois sur le forum. Et mais c'est vrai. Il y a une communauté qui est là, qui est présente, qui réagit, et c'est génial, parce que moi, ça avait échappé à mon attention. J'ai vu ça. Mais il retournait à la réalité. Alors, pression de sélection, c'est quoi? Donc, je dis, je répète ce que j'avais expliqué il y a la semaine précédente et la semaine d'avant. Quand vous avez un virus qui circule, il y a des formes modérées, puis il y a des formes très virulentes. Mais les formes virulentes affectent tellement celui, l'hôte, la personne qui en est victime, que le type est cloué au sol, voire il meurt. Donc, beaucoup moins de possibilités d'interagir avec d'autres personnes, donc le virus a moins de capacité à se répandre. En revanche, la forme modérée afflige en partie le sujet qui en est victime, mais il peut encore se lever, il peut encore serrer des mains, il peut encore aller au boulot éventuellement, voire il est carrément asymptomatique. Donc, les formes modérées circulent bien davantage que les formes radicales, dangereuses, les fameux variants dangereux. Or, si tout le monde est vacciné, ça inhibe les symptômes, vous devenez asymptomatique, c'est le but de ce vaccin, de rendre les gens asymptomatiques, mais il est clair et reconnu que si ce vaccin peut ralentir la transmission, en tout cas, il ne l'empêche nullement. Il n'empêche pas la transmission. Elle a lieu. Donc, le problème que vous avez, c'est que tout le monde est asymptomatique, les gens qui subissent des variants graves, comme les gens qui ont des variants modérés. Donc, le travail de sélection naturelle par le système immunitaire des êtres humains n'a plus lieu. C'est-à-dire que normalement, les assauts comme ça fait des millions d'années que les mammifères font face à des assauts viraux, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Donc nos systèmes immunitaires s'adaptent comme ça. Et il y en a qui périssent, c'est de la sélection en fait. Sauf que en vaccinant comme on fait, on fait dérailler le processus de sélection naturelle, soi-disant pour sauver tout le monde. Logique démocratique d'ailleurs. Mais en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux variants extrêmement dangereux de circuler beaucoup plus facilement que si on laissait de la nature opérer la sélection. C'est la fameuse pression de sélection. C'est ce qu'a dit Marty. quand il est passé à la télé face à Zeribi. Sauf que cette crapule de Marty a inversé le truc. Il a dit que c'était les non-vaccinés qui étaient une menace pour les vaccinés. Or, c'est l'inverse. C'est les non-vaccinés qui sont tous asymptomatiques, qui deviennent des porteurs de variants dangereux, qui du coup deviennent de véritables vecteurs de variants dangereux pour les non-vaccinés. C'est les non-vaccinés qui sont menacés par les vaccinés. C'est ça qui est le risque réel. Et Marty renverse le truc et il balance ça à Zeribi. Alors j'en veux pas à Zeribi de pas être versé là-dedans. Moi-même, je suis pas un expert, je veux dire. Mais c'est ce qu'explique Van der Bos, dont j'ai parlé la semaine dernière. Il a expliqué tout ça. Alors de voir Marty tout d'un coup surgir sur un plateau de télévision, je sais plus que c'est. Je sais pas, BFM ou RMC, je sais plus lequel c'était. Et reconnaître que ça existe, c'était génial. Mais lui, c'était pour vanter les mérites du vaccin. Donc tout ça pour vous dire, en fait, qu'il y a une mystification. Les gens sont mystifiés, ils comprennent trop rien, je leur en veux pas, parce qu'on n'est pas, on n'est pas virologue, on n'est pas épidémiologiste, donc on n'est pas censé comprendre tout ça. Et il y a des informations contradictoires dans tous les sens. Au bout d'un moment, les gens ont peur, et ils jouent la sécurité, ils disent « bon, je me fais vacciner, après tout, si ça vient des autorités, j'accepte ». Et là, le truc, l'argument merdique qui était celui de Caroline Fourest, qui est devenue épidémiologiste entre-temps, c'est de dire ça. C'est de dire les non-vaccinés sont un danger pour les vaccinés. Mais attendez, là, c'est un test de QI à grandeur nature, le plus grand jamais réalisé. C'est-à-dire que les types t'expliquent qu'il faut vacciner tout le monde, c'est ça qui te sauve du virus. Sauf que ceux qui ne se font pas vacciner menacent les vaccinés parce qu'ils sont porteurs... Mais les mecs, c'est coup de parler ou quoi? Oui, c'est totalement stupide. On avait... Bah, toute l'idée déjà, une des grandes idées, un des grands leviers par lequel ils ont réussi à nous faire peur, c'est en nous faisant croire que les asymptomatiques, ceux qui n'ont pas de symptômes, peuvent quand même transmettre le virus. Alors les Chinois, c'est vrai que peut-être que le gouvernement chinois a tué certaines informations. Bon, bien sûr, hein, c'est une dictature communiste, mais il n'empêche qu'ils avaient, mené une étude à très grande échelle. Plusieurs millions de personnes étaient impliquées. Ils en avaient conclu que les asymptomatiques donc n'étaient pas vecteurs du virus. Bon. Et nous, on a complètement ignoré ça. Et pendant un an, on a porté le masque dans les supermarchés, dans les machins, dans les écoles, dans tout ça pour prétendument lutter contre ce fait que, ok, vous n'avez pas de symptômes, mais quand même, peut-être que vous pouvez être un vecteur. Donc c'est pour protéger les autres que vous devez porter un masque. Ce qui pourrait avoir un sens, bon, par exemple, Christian Perron le dit, bon, quand une personne est infectée, de la tuberculose, n'importe quoi, bon, elle porte un masque pour ne pas rejeter trop de postillons sur les personnes qui viennent la voir, pour ne pas contaminer. Ça peut avoir un sens, mais chez les gens qui sont asymptomatiques, ça n'a pas de sens. Donc. Après, on nous a dit, donc là encore, on culpabilise, c'est-à-dire non seulement pour se protéger soi-même, mais pour protéger les autres. Tel est le discours gouvernemental et médical et tout ça. Donc maintenant, on nous dit non. Vous vaccinez pour vous protéger, vous, mais surtout pour protéger les autres, ce qui est complètement débile, ouais. Parce que si le vaccin fonctionne à 95%, comme ils le disent, qui ne sont que des communautés de presse de Pfizer et de AstraZeneca et tout ça, c'est pas une étude, c'est un spot publicitaire. C'est pas du tout ces chiffres-là. Hein. J'ai cru voir qu'on était bien plus proche des 60% qu'autre chose. Hein. Je crois qu'on est dans ces eaux-là. Hein. Oui, et puis, bon, donc en fait, vous devez protéger les autres, donc bon, très bien, alors soi-disant, bon. Donc en fait, on fait culpabiliser chacun, quoi, il y a des pubs à la radio, à la télévision, etc., qui font vous vacciner pour les autres, tout ça. Oui, des assassins de vieux, tu sais, on fait passer pour un tueur de vieux, Ouais, c'est ça. Alors qu'on peut tout à fait retomber malade, il y a des gens qui sont à l'hôpital, parce que là, on a l'impression que les gens sont... Enfin, on veut nous faire croire que les gens arrêtent de mourir. Hein. Il y a un an et demi, il n'y avait pas de vaccin. Alors Jérôme Salomon, le croque-mort juif, venait nous expliquer, tiens, il y a eu, oh oui, 1000 morts, ah oui, du Covid, ah oui, c'est terrible, 800, ou là, 400, là, c'est terrible, etc. Bon, c'est un chiffre qui veut rien dire, parce qu'il faudrait faire des autopsies, et puis il faudrait évaluer la... Parce que ces gens étaient âgés, malades. Après, on a su qu'ils étaient souvent très âgés, très malades, et que donc c'était qu'un des facteurs parmi d'autres, mais que c'était pas la raison essentielle de leur mort, le Covid-19. Donc, bon, alors maintenant qu'ils sont vaccinés, on a l'impression qu'on va nous faire croire que tout le monde meurt, finalement. Enfin, que personne ne meurt. Que le vaccin, finalement, les a protégés. Bon, parmi les 30 millions de gens qui se sont fait inoculer le vaccin en France, il y a plein de gens qui sont morts maintenant depuis. Alors, parfois, évidemment, on ne peut pas attribuer ça à chaque fois au vaccin, c'est sûr, mais il y a tout autant de gens qui meurent. Et du Covid-19, il y a tout autant de gens qui se font infecter. Et ça, c'est le cas aussi dans d'autres pays qui ont vacciné plus tôt que nous et plus vite que nous, comme le Royaume-Uni, qui a dû d'ailleurs décaler d'un mois sa réouverture des restaurants, des pubs et tout ça, puisque les gens se réinfectent, soi-disant, avec le variant indien qui, ah, manque de chance, résiste prétendument au vaccin AstraZeneca. Donc déjà en communiquant sur cette idée de variant, ils avaient déjà trouvé une excuse au fait que leur vaccin marche pas. Il y en avait déjà une autre, c'était le fait qu'il fallait faire une course au vaccin. Alors là, on commence à voir que peut-être les vaccins étaient fabriqués d'avant, Ah parce oui, qu'il y avait... ça, toi, t'en as parlé de ça, ouais, que tu dis que tu peux préciser un peu ce point-là quand même? Oui, alors c'était une information qui était présente dans les emails d'Anthony Fauci, même s'il y en avait peut-être certains qui étaient fausses, mais ça a été confirmé par le Christian Perron, qui n'est pas un complotiste. Vous savez que c'était lui qui chapeautait la vaccination en France pendant très longtemps sur plein de sujets. Qui travaille pour l'OMS et tout ça, il a validé cette info au détour d'une conversation là, avec un Québécois noir, comme quoi ça existe aussi. Bon. Mais avec Pierre Barnérias aussi, je crois. Et donc, à un moment donné, il a dit oui, il apparaît maintenant que les vaccins étaient préparés d'avance, qui était une des pistes de travail de Jean-Bernard Fortillan, qui est en prison toujours aujourd'hui. Ah oui, Donc, bien sûr. semble être une confirmation de son hypothèse. Bon. Mais voilà, donc en tout cas, les vaccins, soi-disant, nous sauveraient. Il faut se vacciner tous, c'est tout ça. Et puis, il y a aussi la question, ben, je vais pas être trop long, mais la question des soignants. Parce que là, on Ouais. cible, on dit oui, peut-être d'abord les soignants. Mais vous savez que les soignants, jusqu'à présent, sauf exception, sont d'accord pour vacciner autrui, pour vacciner les gens qui viennent au centre de vaccination. Mais pour se vacciner eux-mêmes, ils sont parfois plus réticents. Pourquoi? Parce qu'ils sont en première ligne pour savoir qu'il y a des gens qui tombent malades après le vaccin, bien sûr. Donc là, ça va être quelque chose de clivant. Tiens, bon alors, vous avez vacciné les autres, là. Maintenant, vous vaccinez vous-même, tous. Et là, ça va être un moyen pour eux. D'ailleurs, il y a ça aussi en Italie. Et en Italie, il y a des gens soignants qui ont dit, ben non, moi, je préfère perdre mon travail que de me faire vacciner. Et ce qui est aussi assez inquiétant, c'est que en Russie aussi, il y a une obligation vaccinale dans de nombreux États. C'est le côté fédéral. Et notamment à Moscou, parce que, enfin, pour garder son emploi, puis il y a même au Kremlin, alors Xavier Moreau, qui est d'habitude très poutinolâtre, a fait une vidéo cette semaine là pour dire qu'il s'inquiétait de ce qui se passait, et qu'il avait l'impression que le pouvoir avait perdu un peu les pédales et que a perdu le sens des réalités, qu'il espérait que Poutine redresse la barre assez vite. Il l'a fait d'une certaine manière dans la conférence qui a suivi, mais il apparaît que dans plusieurs régions, et ça c'est des lois qui datent de l'époque soviétique, semble-t-il, permettent aux régions russes aussi de dire, bah oui, bah, si vous voulez être commerçant, si vous voulez être professeur, et bah, il va falloir maintenant faire le vaccin et tout ça. Donc, c'est assez inquiétant de voir tout le côté planétaire hein, de tout ça. On vous parlait de l'Australie, le Royaume-Uni, l'Italie, et finalement l'Espagne qui voulait mettre une amende de 60 000 euros en Galice, je crois, sur les gens qui refuseraient le vaccin. C'est assez effrayant, hein. L'impression là dans une matrice incroyable. Alors je sais qu'en Russie ils prennent le Spoutnik et c'est un petit peu différent, mais il paraît que de temps en temps il y a aussi quelques soucis. Je pense qu'il est moins nocif que le Pfizer. Il y a aussi, à mon avis, à la rentrée, je pense que les enfants, pas à la rentrée, mais peut-être à la Toussaint, ils vont dire aussi, eh ben oui, les enfants, ce serait vraiment bien, parce que maintenant c'est ouvert aux 12-15 ans, aux 12-18 ans. Bah très bien, vous pouvez venir à l'école, mais il faudra avoir le vaccin, sinon vous ne pourrez pas venir à l'école. Et puis vu que les parents ne peuvent pas prendre leurs enfants maintenant, où c'est beaucoup plus compliqué de les prendre à la maison, pour faire l'école à la maison, bah claquer maths. Ça peut Ah aussi oui, se passer comme ça. c'est même mieux que ça, parce que vu que la scolarisation est obligatoire, bah pile t'es illégal, face t'es illégal aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Tu peux pas gagner, ouais. Oui, sur la vérification, ce que tu disais un petit peu avant, Alexis, il y a eu un cas cette semaine à Cap-Breton. Il y a un homme de 75 ans qui est décédé dans son jardin. Vous allez me dire, bon, oui, d'accord, ça arrive, quoi. Mais en fait, il avait été vacciné quelques jours plus tôt. Et sa famille, alors c'était quelqu'un qui n'avait pas de maladie, rien. Aucun problème. Alors les gens vont dire, oui, bah, ça arrive que des gens qui, a priori, ne sont pas malades succombent brutalement, il n'y a pas d'explication, quoi. Oui, j'entends tout ça, bien sûr. Mais évidemment, la famille s'est dit, bah, attendez, quelques jours après la vaccination, c'est quand même un peu bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont porté plainte contre X dans l'espoir, en fait, d'avoir une expertise et une autopsie. Et alors, le truc a été classé sans suite. Pas d'autopsie. La justice française refuse de pratiquer une autopsie. Mais me dites pas que c'est du domaine de l'impossible de pratiquer une autopsie. Eh ben si. Pas d'autopsie. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas trouver ce qu'il ne faut pas trouver. C'est aussi simple que ça. Et je précise, je rappelle à tous ceux qui l'ignoreraient, que tous les laboratoires, Pfizer et compagnie, ont spécifiquement noué des accords avec les États qui vaccinent pour ne pas être responsables juridiquement des conséquences, des retombées de la vaccination sur les populations. Alors voilà des gens quand même très bizarres qui vendent un truc à la condition expresse qu'on ne puisse pas les poursuivre si la camelote est frelatée. Je veux dire, bon, il y a un mec qui arrive avec un deal comme ça entre ses mains, il vous montre ça, qu'est-ce que vous faites? Moi, je pars en courant, hein, personnellement, mais qu'est-ce que vous faites, vous? Je veux dire, moi, je pose la question aux auditeurs. Je veux dire, un contrat comme ça, le mec, il dit, ah là, c'est un truc super, hein. Le top du top et tout, machin. Bon, il y a une clause, hein, si jamais ça merde, tu peux pas me poursuivre en justice. Ça va? Tu vois, tu vois un truc comme ça, tu pars en courant. Non, tous les États de la planète, enfin pas tous, mais en tout cas toutes les démocraties occidentales, ouais, génial, super, des milliards, on en commande des milliards. J'ai dit, non, attends, c'est pas possible, quoi. Donc, pas d'autopsie à Cap-Breton pour cet homme de le septuagénaire décédé. Là, je veux dire, je ne tire pas de conclusion, je dis pas, attention, ouais, il est mort du vaccin. Je dis simplement que quand les familles veulent avoir une réponse, et me semble-t-il que, compte tenu de l'ambiance générale, etc., ce n'est pas une demande excessive, ben, c'est pas possible. Alors, dans un pays comme la France, où on claque du blé, en veux-tu, en voilà, sur beaucoup de choses, surtout quand c'est marron, finalement, il n'y en a pas quand ça peut être utile, quoi, tu vois. C'est, voilà. Bon, permettez-moi de soupçonner qu'il y a anguille sous roche. À mon avis, il y a anguille sous roche. Bon, ça, c'est l'exemple aujourd'hui. Alors, puisqu'on parle de variant, le variant Delta, alors c'est le nouveau truc, tout le monde va choper le variant Delta, il est beaucoup plus contagieux. Qu'est-ce que ça peut foutre, puisqu'il n'est pas plus dangereux? Qu'est-ce que ça peut foutre? Ils sont tous, les vaccinés, qu'est-ce qu'ils sont dans la foutre? Parce que ça, c'est un argument. Le gros, le Chypre l'a utilisé, la Forest l'a utilisé, toute une série, le Habit Ball l'a utilisé. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils sont vaccinés, ils sont contents. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils sont pas menacés. C'est pas, voilà. Eh ben si, ils veulent nous vacciner. Alors, pas de bol pour eux, hein, parce que ce qui devait arriver arriva, le fameux vaccin miraculeux qui sauve tout le monde de tout le temps, eh ben il a du plomb dans l'aile, hein, et en fait il a du plomb dans l'aile depuis un bon moment, je vous lis ce truc-là, revue très sérieuse américaine, revue scientifique, hein, c'est passé dans Yahoo Actualité, mais le truc est sanctionné, hein, c'est pas des news... C'est pas du sensationnel, hein, je veux dire, j'ai été à l'article originel et tout, c'était carrément un article scientifique, quoi. Donc, ensuite, il y a eu un effort de vulgarisation, donc, pour ceux qui sont pas familiers, les gens comme moi, n'est-ce pas? C'est béton, hein. Alors, je lis ça, c'est très court. Une nouvelle étude suggère que le variant Epsilon, on va apprendre le grec, je vous le dis, on va apprendre le grec. C'est bien, d'ailleurs. Le variant Epsilon, alors repéré pour la première fois aux États-Unis, résiste aux anticorps produits par l'organisme après un vaccin ARN messager. Faudra-t-il une troisième injection? Putain, Faudra-t-il une troisième injection d'un vaccin à ARN messager à l'automne pour empêcher la propagation du variant californien Epsilon en France? Donc en fait, le Epsilon est apparu en Californie pour la première fois. Le Delta, entre guillemets, c'est l'Indien. Le variant anglais, je ne sais plus comment ils l'ont appelé. Alors, la question pourrait rapidement se poser après la publication d'une étude dans la revue scientifique Science ce 1er juillet. Epsilon est un variant du coronavirus qui a été repéré pour la première fois en mars 2020 aux États-Unis et qui est classé depuis mars 2021 comme variant à suivre par l'Organisation mondiale de la santé. S'il n'existe pas encore de preuves d'un quelconque impact épidémiologique ou clinique, les mutations du variant Epsilon inquiètent la communauté scientifique. Une équipe de l'Université de Washington, donc à Seattle, aux États-Unis, a travaillé sur ce variant. Les chercheurs ont analysé 57 échantillons d'Epsilon. Pour cela, ils ont prélevé le plasma de 33 personnes vaccinées après deux doses de vaccin Pfizer-BioNTech. de 15 personnes vaccinées avec 2 doses de Moderna et de 9 personnes qui ont été infectées par le coronavirus. Sans vaccin, quoi. Donc le SARS-CoV-2. Ils ont observé 3 mutations qui le rendent résistant aux anticorps qui se trouvent sur la protéine Spike, la griffe que le virus utilise pour entrer dans les cellules. Les données indiquent qu'avec ces 3 mutations, le variant Epsilon est résistant à la fois aux anticorps produits par les vaccins ARN messager et à ceux produits par le coronavirus. Pour l'instant, 7 cas de contamination du variant Epsilon ont été comptabilisés en France, selon les données de la GIZ, Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data. Donc c'est relatif en fait à la grippe aviaire. Voilà, c'est on sert à évaluer les risques par rapport à la grippe aviaire. Alors messieurs, voilà, le variant Epsilon des familles en Californie, hein, voilà, il passe à travers le vaccin. Alors, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que... J'en pense que la réponse est dans l'article. Comme on l'a expliqué, toute la communication autour du Covid, c'est des stratégies. Donc, ils préparent le terrain. C'est comme pour Hanouna. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, ils vous posent la question. Hein. Ça, c'est l'étape 1. Faudra-t-il une troisième ouais. dose de vaccin? Bon, voilà, ben, vous avez votre réponse. Voilà. Ouais, quand on pose la question, c'est la réponse, en fait. Tu vois, voilà, vous avez votre réponse. Donc, on vous a sorti un variant magique pour vous coller une troisième dose. Et puis, peut-être même qu'il y aura encore un autre variant. Alors là, je ne sais pas où on sera Epsilon. Est-ce qu'on sera dans les lettres hébraïques? Je ne sais pas. Et puis, ça sera une quatrième. Et puis, une cinquième. Vous voyez? Bon, c'est comme les Super Saiyan, hein, comme disait Philippot. Il y a toujours une nouvelle transformation. Il y aura toujours une nouvelle vague. Et il y aura toujours une nouvelle vaccination. Ça n'arrêtera jamais. Alors le truc le plus fou là-dedans, c'est quand ils disent... Donc en fait, on est d'accord, hein, les deux shoots, ça marche pas. Parce que c'est pas des raisons de quantité, c'est simplement que le variant Epsilon, donc le variant californien, il s'est adapté, il contourne les défenses, quoi. Il a une stratégie, parce que les virus sont des organismes extrêmement sophistiqués. Parce qu'on les regarde de haut, on dit ouais, c'est des machins invisibles, c'est des bestioles et tout. Non, c'est des trucs très très très très sophistiqués. Et en très peu de temps, finalement, en quelques semaines, en quelques mois, ils développent des stratégies. C'est d'ailleurs assez extraordinaire. Hein. Je veux dire, là, on voit la nature à l'œuvre, c'est assez incroyable. Et ils contournent le truc et au revoir. Et les mecs te disent, le Epsilon, là, c'est vraiment pas la bonne affaire. Hein. Pff, oh la vache, ça passe à travers le vaccin et tout. Du coup, il n'y a qu'une solution, hein, c'est d'en mettre plus du même, en fait. Ce qui est parfaitement logique, ça tombe sous le sens. C'est logique. Si un remède ne marche pas, il en faut plus. Voilà, c'est ça. C'est bon, c'est sur Yahoo, je veux dire, hein, c'est pas moi, quoi. Et là, tu te dis, ok, donc c'est ces gens-là qui informent le public. Bon, voilà, vous avez compris. C'est magique, hein. Le vaccin, c'est comme le communisme. Si ça n'a pas marché, c'est parce qu'on n'a pas fait assez. Exactement. Et le truc. C'est, en fait, pourquoi ils font ça? Ils disent, bon, allez, écoute. Donc là, t'as Moshe. Moshe rencontre, rencontre David, ils discutent, etc. Comment on va faire? Comment on va faire? Le prochain variant, hein, tu comprends? Oui, mais bon, est-ce qu'on peut pas quand même... allez, un bon troisième variant, une troisième dose, David. D'accord, David. Et voilà. T'as une troisième dose. Elle sert à rien, mais bon, ça permet de faire des grosses commandes. Tu vois, c'est le pantalon à une jambe d'Atali, quoi. Et ensuite, on va changer de truc. Non, mais en fait, on s'est gouré. C'est pas le bon vaccin. Il en faut un autre. Un truc, non, mais ultra sophistiqué. Il prend en compte ce variant-là et même 3 autres variants que vous connaissiez pas. Tu vois, c'est le variant Epsilon Delta Alpha Plus. Un truc... Voilà. Alors, ça, on va y avoir droit à la rentrée, hein. C'est-à-dire qu'ils vont annoncer la quatrième vague. Là aussi, ils ont préparé la com. Ouais, c'est clair. C'est quatrième vague, et puis bah, bonne nouvelle, Christian, on va t'en remettre une dose. Pantalon ouais. Et une jambe. Alexis. Donc, c'est-à-dire, mais oui, nous avions tout prévu, nous l'avions bien dit qu'il y aurait une quatrième vague à cause de ces gens non vaccinés, bien sûr. Mais Normalement, dans une épidémie, on ne peut pas prévoir l'avenir. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de médecins qui s'étaient alarmés quand ils ont entendu parler, OK, coronavirus, d'accord, on est dans une, OK, mettons dans une crise, admettons. Mais quand des gens ont commencé à parler de deuxième vague, notamment Anthony Fauci, qui chapeaute la santé aux États-Unis, qui en parlait un des premiers, comment vous pouvez parler d'une deuxième vague dans les épidémies? Normalement, on ne peut pas prévoir s'il y aura la deuxième vague de quelque chose de nouveau en plus. C'est absolument impossible. Tout à fait, c'est tout à fait exceptionnel. Le déroulement d'une pandémie, c'est une montée brusque, logarithmique, et une redescente. Et après, c'est terminé. C'est ça, normalement, une pandémie. Et là, bizarrement, ça n'arrête pas de faire des vagues et tout, ça fait des zigzags. C'est étonnant. Ouais, même le début, en France, il y avait eu Mulhouse, il y avait eu aussi en Bretagne, il y avait aussi dans l'Oise, c'était les trois foyers de contamination, mais normalement, une épidémie, ça balaie le territoire. En fait, là, c'était des points totalement opposés du territoire. Ce qu'ils font dire à certains après, par exemple Patrick Jolan, qui avait affirmé qu'il y avait un avion militaire qui avait fait Mulhouse, Wuhan-Mulhouse, et qui avait été chercher des gens qui étaient déjà infectés. Et que comme par hasard, la région de Mulhouse s'était transformée ensuite en premier foyer du Covid. Alors, est-ce que ça avait été fait intentionnellement? En tout cas, lui, Jolan, l'affirme, l'écrit noir sur blanc, donc c'est sa responsabilité. Il pense avoir des éléments là-dessus suffisamment tangibles, mais tout ça pour dire, c'est pas comment dire, par exemple, une épidémie de grippe où là, on a le territoire qui est balayé assez vite, et puis tout le monde est un peu logé à la même enseigne. À la même enseigne, là, on a d'ailleurs. Chaque partie du territoire, on a pour son grade. Là, on a à un moment donné, c'est Marseille, après, c'est les Landes. À un moment donné, on dit, ah oui, c'est rouge, très rouge, ah oui, là-bas, en Alsace, ou je sais pas où. Enfin, à chaque fois, c'est un scénario à rebondissement dans chaque partie du territoire. Il y a une particularité à chaque fois. Ce qui force plaiderait plutôt en faveur de la thèse d'une diffusion volontaire, hein. Parce que je vois pas comment deux trois mecs qu'on est venu chercher de Wuhan pourrait expliquer ça simplement. Par contre, si on a activement diffusé à différents endroits, ça expliquerait. Oui, c'est une hypothèse qu'aujourd'hui on ne peut pas écarter, hein, c'est évident. Voilà, j'ai une idée, moi. Enfin, ça me rappelle une histoire. C'est donc c'est Moshé, c'est Christian qui va se plaindre à Moshé. Tu m'as refilé un vaccin inutilisable. Et Moshé, il dit, mais t'as rien compris. C'est pas fait pour être utilisé. C'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour C'est pas fait pour soigner surtout, c'est fait pour être malade plutôt. Non mais c'est ça, non mais rigolez pas, c'est exactement ça, c'est la blague d'Athalie avec Christian et Moshé avec le pantalon, mais qui est appliquée à la santé, quoi. Mais vraiment, c'est ça, les gens qui enfin, il y a plus que ça, parce qu'il y a aussi la stratégie de contrôle et tout. Enfin, les gens qui pichent pas, que les mecs ils disent putain, une dose, deux doses, putain, oh putain, une bonne troisième. J'ai cru voir une journaliste, quelqu'un m'a fait parler, je sais plus qui m'a parlé, il y avait une journaliste, je crois, je sais plus sur quel média, c'est bien dommage, qui commençait à suggérer, mais pourquoi pas une quatrième dose, tu sais, je veux dire, dans la même année, hein. Pourquoi, dans la même année, quoi, je veux dire, donc, en sachant que l'année suivante, tu vois, il faut tout recommencer, quoi. Alors, bah, tous les trimestres, bah, putain, non, mais arrête, quoi, le jackpot pour les juifs, quoi. Non, mais laisse-moi t'expliquer, Christian. Les gens en bonne santé ne consomment pas de médicaments ni de vaccins. Donc, soigner les gens, c'est con. C'est les gens malades qui prennent des vaccins et des médicaments. T'as compris le truc ou pas? Moi, j'ai compris. Ah, bon, c'est complètement dingue. Bon, donc, variant Epsilon, ok. Vaccination obligatoire, rétropédalage, mais qui n'en est pas un. Quatrième vague, au secours, on va faire peur à tout le monde. Et en fait, hein, vous avez compris ça avec l'histoire de. C'était le but du confinement, en fait, c'est de terroriser les gens. De leur faire Oui. sentir le truc, le coup, quoi. En termes d'interaction sociale, etc. Avec des expériences. C'est fou ce qui se passe. Je voyais Aussi. ça, ça a tourné. C'était cité par Florent Philippot. Je le salue quand même au passage parce qu'il fait quand même un travail sur la question du covidisme qui est quand même un excellent travail. Faut pas. Par ailleurs, hein, avec tous les accords qu'on a eu par ailleurs sur lui avant, mais bon, là, c'est un fait. Où il parle, il cite ça, il dit voilà, comment dirais-je, les résultats. Enfin, il citait un article de la Grande Presse, quoi. C'est le Figaro, je crois. Peut-être autre chose. Les conséquences sur les gamins du confinement. Je crois que c'était moins 40% en capacité cognitive et tout. Enfin, c'est hallucinant, quoi, je veux dire. Ah, c'est les gamins sont vraiment beaucoup plus que les adultes et les adultes aussi, hein, frappés. On a les services de psychiatrie pour enfants qui sont saturés. Ouais, forcément, je veux dire. Et en fait, c'est voulu. C'est-à-dire, c'est une campagne de terreur. Il y a ce qu'on appelle en anglais le PTSD, donc syndrome post-traumatique. Les gens sont traumatisés parce qu'ils sont pas très solides aussi psychologiques. C'est pas comme les anciennes générations, vous savez, de paysans il y a un siècle où ils étaient habitués à tout. Tu sais, genre les épidémies, les gamins qui meurent en bas âge, c'était des gens, ils étaient émotionnellement, ils étaient blindés comme pas permis. Maintenant, tu as des gens, je veux dire, voilà, ils sont nés dans la ouate, quoi, tu vois. Donc, il Oui, en il y a faut. la ouate, et puis il y a aussi un conditionnement Ouais. d'hygiénie qui vise à fragiliser les gens. Hein. Aussi, ouais. C'est pas que le confort. Hein. On C'est pas que le a confort. agressé les gens psychologiquement pour les affaiblir. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, ils sont là, bon, bah, le confinement, ils arrivent pas un peu à devenir des. Et je le conçois, je comprends que c'est pas normal, mais ils arrivent pas à devenir des ermites un peu endurcis, donc ils. Mais pour les gamins, tu peux pas leur faire un procès comme ça. C'est-à-dire que les gosses, c'est des gosses, quoi. Ils veulent jouer, ils veulent voir. Donc ils sont traumatisés. Et les gens, ils passent par cette expérience-là, ils veulent pas la revivre. Donc moi, je comprends que beaucoup de vaccinés se fassent vacciner, ça n'a rien à voir. Ils adhèrent au truc ou machin, c'est qu'ils ont peur du confinement. C'est une expérience traumatisante qui les a tellement marqués. Alors, parce que c'est pas des militants politiques, c'est pas des gens qui défient l'ordre établi, ils sont pas nés rebelles, ils sont pas nés avec la rébellion dans le sang. C'est des gens qui veulent mener une vie simplement décente et normale. Et ils subissent ça et ils disent, je veux plus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qui est prévu. C'est prévu pour ça. C'était conçu pour ça. C'était pour les marquer, les terroriser, les faire céder, que les mecs disent d'accord ce que vous voulez. Et moi, je remarque que beaucoup de vaccinés se vaccinent non pas parce que je sais pas quoi, je veux protéger les autres, ou au secours, je vais mourir. Personne, pour ainsi dire, ne se sent menacé de mort, sauf peut-être les très anciens, mais je veux dire, chez les gens qui ont sont à la force de l'âge, c'est pas vrai. Et personne n'a envie de protéger les autres, c'est ou marginalement. Non, ce qui les pousse, c'est dire, je veux plus vivre cette merde de confinement, de trucs. Je ne veux plus vivre ça. Et je l'entends. Moi, j'entends cet argument. J'entends ça. Je comprends humainement ce truc-là. Je pense que c'est une erreur de calcul, mais je le conçois. Et ils mènent comme ça le bétail là où ils veulent le mener. Alors visiblement là ils sont pas très contents parce qu'il y a pas assez. En dépit de ça il y a des gens qui refusent encore. Ils se disent putain on devrait être à comme en Angleterre à 85%. Je dis pas qu'on n'y arrivera pas d'ailleurs. Mais on est à la moitié. Et là les mecs disent putain mais merde ils font chier quand même ces salauds de goy quoi. Okay, c'est quoi le problème? Alors là tu les vois jouer quatrième vague et tu comprends pas quatrième vague pourquoi tous les vieux sont vaccinés ils vont pas mourir. Et alors quoi? Les jeunes, ils meurent pas. La mortalité du Covid sur les jeunes est inexistante. Et si jamais il y a des gens qui doivent se plaindre d'une pression de sélection, c'est les non-vaccinés, c'est pas les vaccinés. Donc quel est le problème? Et là, il n'y a même pas d'argument. Le mec, il déroule, ouais, mais bon. Donc voilà exactement où on se situe. Et ils se sont dit, bon, bah alors on va leur foutre la quatrième vague, on va les menacer, on va leur faire peur. Et puis voilà, bon, mais c'est un test, hein. C'est vraiment un test. C'est là que ça se joue, en fait, hein. C'est là que ça joue. Hein. Si on se termine avec 95% de vaccinés sur toute la population française, putain, quand tu vois qu'ils ont déjà tous les variants, le truc, ouais, mais ils contournent le vaccin. Donc, je veux dire, il faut l'upgrade, le truc. Et puis attention, c'est 4 fois par an. Hein, parce que, putain, mais 4 fois, mais t'en rends pas compte des injections. Va pas me faire croire. Ok, imaginons, t'achètes tout ce qu'ils te racontent. Tu dis, ok, banco, c'est tout. Mais attends, tu peux pas te taper 3 injections par an pendant des années, c'est pas possible, c'est pas possible. L'organisme n'est pas du tout fait pour ça, on est d'accord quand même. Ah bah oui, et puis la question de la toxicité des vaccins se pose. Hein. Non mais Ouais, même sans. les gens ont le, tu sais, ont le, enfin nous quand on était gamins, tu sais, c'est le vaccin polio, ils le faisaient tout en même temps d'ailleurs. Bon, une fois, avec un rappel éventuellement, tu vois, bon. Ok, mais là, ce qu'on est en train de leur dire, c'est 3 vaccins par an. Parce qu'on dit un vaccin, non, c'est 3 vaccins, c'est 3 picousses, quoi. Non, non, non, arrête. L'organisme, il n'est pas fait pour encaisser des trucs comme ça. Hein. Jouer avec le système immunitaire comme ça tous les ans, c'est pas du tout fait pour ça. Attends, tu joues pas avec des millions, des millions et des millions d'années d'évolution avec comme ça au petit bonheur, la chance, avec des trucs qui sont même pas testés et tout. Non, enfin, arrêtez. Pas besoin d'être un grand scientifique pour piger qu'il y a une arnaque là-dessous. Hein. Ça, c'est du bon sens populaire. Hein. C'est du bon sens paysan. Hein. Alexis. La question des Ouais. additifs, il y a du graphène, de l'aluminium, du mercure dans ces injections, si c'est 3 fois par an. à partir des enfants ou des gens de 12 ans, ça va nécessairement poser plein de problèmes, hein, indépendamment de la question de l'ARN. Alors, je vois que Fulbert cite ce passage-là dans la presse, je ne connais pas la source, mais Le Soir, publication belge, le porte-parole du gouvernement français, donc oui, la voix de la France est portée par un juif qui s'appelle Attal et qui par ailleurs est sodomite, et qui a été nommé à ce poste-là uniquement parce qu'il couchait avec un des mignons de Macron. On le dit en passant comme ça, pour votre culture générale. Alors, Attal a averti que la fracture vaccinale pourrait provoquer du ressentiment entre les Français vaccinés et les autres. Alors, comprenez ça, il faut. Moi, je parle couramment le yiddish, j'interprète aussi régulièrement le Talmud. Des rabbins me sollicitent de temps à autre pour des éclaircissements. Alors, je traduis, hein, ça veut dire que si les non-vaccinés persistent, on va leur faire tomber sur l'orable tous les vaccinés, hein, en attisant la haine à bloc contre eux, en les traitant de mauvais Français, d'ennemis de la France, d'être l'incarnation de l'anti-France, de mauvais patriotes, etc., etc. Bref, les traiter comme des pacifistes à la veille de 1914. En gros, hein, je vous la fais courte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Fulbert, moi c'est l'interprétation que j'en fais, je ne sais pas ce que t'en dis, moi je vois ça comme ça. Bah oui, bien sûr, mais c'est du réchauffé, hein, parce que tout compte fait. À partir du moment où certains ont affirmé que les non-vaccinés mettaient quand même les vaccinés en danger, rappelez-vous, c'était déjà ça, c'était déjà dressé les vaccinés contre les non-vaccinés. Il ne fait jamais que mettre en évidence quelque chose qui tombait sous le sens. Pourovitch. Oui, non, mais bien sûr, ils ont déjà commencé à nous monter les uns contre les autres, mais... Bon, là, bon, oui, c'est une menace supplémentaire, voilà, comme dit. Vous avez, mais bon, attention. Triangulation du conflit, divisé pour régner, la vieille stratégie juive, ça marche. Ça a tellement été un succès jusqu'à présent, pourquoi ils s'en priveraient? Non, mais c'est ça, c'est-à-dire... malheureusement, il y a un côté un peu... oui, il y a un peu irréversible, c'est-à-dire qu'une fois que t'es vacciné, quoi, je veux dire. T'es passé de l'autre côté, tu vois, t'as un peu vendu ton âme au diable. Malgré tout, hein, je veux dire, moi, je veux pas jeter la pierre au vaccin. Je veux dire, moi, je fais pas un procès au vaccin en disant, oh, c'est des salauds, c'est des... Non, je comprends leur dilemme. Je comprends ça, totalement. Mais le choix qu'ils font est... Il y a un avant et un après. Tu fais comme tu veux, il y a un avant et un après. Et ça, on peut pas le minorer. Fulbert. Oui, il y a peut-être une petite remarque amusante à faire, c'est que s'il y a une troisième vaccination, enfin un troisième shot, je vais dire, puisqu'il y en a deux au départ, peut-être un quatrième encore, hein, ce qui est fort probable, ils vont devoir faire un troisième, un quatrième shot à ceux qui ont été vaccinés. Peut-être qu'ils vont oublier ceux qui n'ont pas été vaccinés. Peut-être que la vaccination à répétition va être réservée à une partie de la population. Bah, je sais pas, mais en fait, ils ont un problème. À partir du moment où des gens refusent de se vacciner, ils ont un problème avec eux. Bah oui. Mais c'est marrant, parce qu'en raison du différentiel temporel, les non-vaccinés voient ce qui se passe pour les vaccinés. De fait, mais c'est pas de notre fait, c'est pas nous qui le voulons, mais les vaccinés sont des cobayes, quoi. Donc tu vois à quel régime ils sont traités, c'est-à-dire que t'as un petit peu d'avance, on parlait de Tour de France, on est un peu dans le peloton, mais on a la queue du peloton, on voit les autres à l'avance, là, en avant, et on voit ce qui se passe, quoi. Des types, on dit, ouais, non, mais en fait, trois shots, comme tu l'as très bien dit. Puis tu vois, ouais, des variants, trucs, toi, puis ouais, l'année prochaine, faut pas arriver, ils vont arriver avec un nouveau vaccin, c'est inévitable. C'est inévitable, il y aura derrière un truc tous les ans, c'est sûr, c'est en stock, on le sait. Et les non-vaccinés, ils ont ça, ouais, bon, bah disons, les gars, ça va être compliqué quand même, hein, pour vous, hein. Putain, là, vous êtes rentrés dans un truc. Tu vois, ça, on a ce recul pour nous. Alors que les autres qui sont dans le guidon, qui foncent, parce que c'est ça, hein. Beaucoup de gens qui se sont fait vacciner sont convaincus que l'histoire est terminée après. C'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Ils pensent que ça y est, c'est cool, quoi. C'est le bout du tunnel, tu vois. Ils en sont mais vraiment convaincus. Et ici, je crois qu'on est clair là-dessus. Bah non, c'est juste que le début, en fait. Bah moi, ces gens-là, j'ai envie de leur dire... Tu es dans les pertes. Ah, mais c'est vrai, je reprends l'expression, mais... Ouais, ils sont dans les pertes, quoi. Il y a un moment donné, si tu fais confiance au système à ce point-là, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Ouais, voilà, là, tu luttes contre le grégarisme, et c'est tu peux pas gagner ça, quoi. Non, tu peux pas gagner Non, ça. c'est des gens qui croiront toujours ce que le système leur dit parce que c'est le système. Tu leur dis un truc, toi, de direct, de face à face, ils vont pas t'écouter. Le même discours mot à mot, tu es dans une télévision. Ah oui, ah oui, quand même. C'est comme ça, Tout à fait, tout à on fait. peut rien faire contre ça. Ces gens-là, je sais pas, je veux dire, ils n'ont pas d'âme. Est-ce que c'est l'intelligence? Est-ce que c'est finalement des gens qui sont des races d'esclaves au sens de la race de l'esprit et qui auront toujours la voix de leur maître dans la tête? Je ne sais pas, mais c'est peut-être un moment de. C'est peut-être un moment aussi de trier les bons des mauvais, quoi, tu vois. Alors il y a ceux qui prennent la marque de la bête, et puis il y a les autres. Et Hitler avait écrit un truc là, c'est dans Mein Kampf, il s'en amuse, il s'en désole en même temps. Et il dit la plèbe qui croit toujours tout ce qui est écrit sur un morceau de papier, tu vois. C'est-à-dire que c'est ça, quoi. Ah, c'est ça, mais c'est Ah totalement ouais, ça. mais c'est un vrai phénomène social. Et c'est aussi vrai dans la Vienne d'Adolf Hitler d'avant la Première Guerre mondiale qu'aujourd'hui. Et tu luttes contre. Et c'est ça aussi. Alors, là, je parle d'Adolf Hitler parce qu'évidemment, il a constaté ce problème. Donc, en tant que propagandiste, parce qu'Adolf Hitler a commencé comme propagandiste, propagandiste ici n'étant pas péjoratif, je veux dire, en tant que diffuseur d'idées, eh bien, constate et dit, c'est compliqué parce que tu as la grande presse et les gens gobent tout ce qu'on leur raconte. Alors, comment tu fais dans ces circonstances? Et là, évidemment, il développe son discours. Mais je veux dire, on est aujourd'hui, on fait face à ça. C'est-à-dire que. C'est ce que t'as dit. Voilà. Et pour ceux qui en doutent, moi je vous donne un test. Très bientôt, dans quelques mois, on va rentrer en phase très active de campagne électorale pour la présidentielle. Eh bien, discutez avec vos amis, vos proches, et vous allez voir que quand on va rentrer vraiment dans la phase d'élection, que la propagande, les candidats vont se mettre en scène, vous allez voir vos amis, en tout cas certains, changer complètement d'idée sur tel ou tel candidat et répéter ce qu'ils ont entendu à la télévision. Un mec qui n'aimait pas tel, je sais pas, par exemple Macron, il y a 6 mois, ah oui, il va vous dire, ah oui, non, mais quand même, c'est vrai qu'il est. Non, mais. Mais du jour au lendemain, dès que la machine se met en marche, hop, les cerveaux sont lessivés. Ouais, Et mais ça, c'est vrai. je l'ai vu à toutes les élections. Ouais, dès que l'unanimisme médiatique se met en branle, là, tu peux plus rien. Le sens critique est complètement écrasé. Mais on l'a vécu au mois de février, mars 2020, quand ils ont créé ex nihilo la panique pandémique. Vous savez, quand Macron a dit « Nous sommes en guerre », les gens étaient terrorisé. Moi, j'en rigolais dans l'émission. Je pense que, franchement, on a un bon track record, je veux dire, sur toute cette histoire. Ça fait un an et demi qu'on est en train. Bon. Il y a une forme de donquichottisme hein, dans notre approche. Hein, je veux dire, même. C'est assez noble de notre part, je veux dire. Depuis un an et demi, on se bat contre des moulins, tu vois. Alors. Mais quand même. On n'a jamais acheté le truc. Et ça nous fait honneur quand même, rétrospectivement. Parce que quand t'as ce rouleau compressé qui te tombe dessus, tu vois, et t'es là, faut résister quand même, je veux dire. C'est pas pour nous dire, on est des gens plus intelligents, mais il y a un moment donné, c'est quand même, voilà, t'as la distance critique où tu l'as pas, quoi. Et les gens se sont fait écraser par ce putain de torrent de panique. Les gens disent, oh, au secours, au secours, on va tous crever, ils vont s'en faire. Rappelez-vous le premier confinement, qui n'a rien à voir avec les confinements ultérieurs, d'ailleurs. Hein. Pas du tout vécu de la même façon. Les gens étaient là, c'était Tchernobyl, c'est Tchernobyl. C'est Tchernobyl, tu Ah sais. oui, ah Mais oui. c'était ça. Qui l'a regardé, cette série-là? Je sais pas si vous l'avez regardé. Non. Non, moi je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Je recommande, hein, honnêtement, bien fait. Il y a des inexactitudes historiques, mais assez marginales, c'est bien foutu. Mais ce que ça permet de voir, en fait, c'est effectivement la catastrophe nucléaire. Mais c'est ça! Tu vois, c'est. Putain, la menace est partout. Les gens sont enfermés chez eux, ils ont peur et tout. c'est la menace est invisible, putain, c'est une arme entre les mains des gouvernements, les gens s'en rendent pas compte, je veux dire. Ah oui, et puis une très grande maîtrise au niveau de l'instrumentation, parce que ce premier confinement a été le plus dur de tous. Ouais. Et je pense qu'ils ont très bien compris qu'ils devaient, au départ, faire après très très dur, ouais. parce qu'il fallait profiter de la stupéfaction, du ouais. choc, et il fallait aussi ne pas attendre la lassitude. Donc dès le premier devait être le plus dur. C'est comme très bien ce qu'ils font. C'est comme en baston de rue, un putain du percute en pleine tête pour commencer, tu vois. C'est voilà, et t'es, voilà. Ensuite, 2-3 coups pour la forme, pour être sûr que tu te relèves pas, et basta. Ils savent, ils ont des spécialistes, enfin, je veux dire, ils ont, je sais pas combien de mecs en psychologie et tout. Ils savent tout ça, donc c'est ce que tu dis. Ils ont dit, voilà, on va vraiment cogner, mais et puis tu sais, on va faire des rappels, un peu comme les vaccins. Paf, deuxième confinement, plus soft. Troisième confinement, paf, voilà. Ah, quatrième, ah, attention, hein, quatrième, hein. Mais en fait, il sera pas trop trop violent, tu vois, mais il sera, voilà, tu vois, puis au bout d'un moment, les gens sont tellement, tu vois, ils sont là, disposés de mon corps comme vous voulez, tu vois, c'est ils rendent leur âme, quoi. Ils rendent leur âme, ils disent arrêtez, abrégez les souffrances, s'il vous plaît, quoi. Mais bon. Mais c'est ça, hein. L'école vraiment, où t'as appris à mentir, c'est eux qui l'ont construite. C'est un enculé de A à Z. Nour Heinz Oral. C'est un maître de la dialectique et du vice. Oh, mais bon, c'est pourtant là qu'on en est. Mais ouais, fait bien. Je vois un article sur la DH, qui est un journal belge. Le variant Delta va déferler sur la Belgique. Deux points, ouvrez les guillemets. Nous allons vivre la même chose que les autres pays qui ont dû serrer la vis. Et on voit la gueule de Van Rans, évidemment. Alors, tu vois... Ouais, mais là, les gens, ils ont pas... Enfin, je veux dire, ça va durer ad vitam... Ils ont pas... Ici, on a expliqué Great Reset, Davos, on a dit les tenants et les aboutissants, les fondements structurels du système, vieillissement de population, système sociaux complètement en faillite, endettement chronique, ça, qu'il fallait qu'ils reprennent tout ça en main. Bon, on a expliqué, ok, on a fait le travail de pédagogie, mais après, les autres, ils déroulent. Hein. Ah oui. J'invite quand même à ne pas se faire vacciner, quand même. Bon, je veux dire... bon voilà, mais... S'il y a des vaccinolâtres qui y aillent, hein, voilà, c'est tout, hein, qui y aillent, qui forment des associations même, hein, n'hésitez pas, des clubs de football même, de vacciner, je veux dire. Mais je vois ça, hein, sur les réseaux sociaux, ça fait peur. Hein. T'as des types, oh, ils précisent, vacciner, tu sais, genre, putain, mais... Il y a même des... Je sais pas si c'est un projet ou si c'est une blague, mais ils voulaient faire des sites de rencontres entre vaccinés. Ah non, mais c'est évident, mais ça va arriver. Pourquoi? Mais parce que t'as des gonzesses ou des mecs qui sont totalement tétanisés. Non. Ils sont là sur leur Twitter. Ah yeah, j'ai eu mon shot. Ouais, c'est bien, t'es un craqueux comme les autres, c'est cool. Tu vois. Bravo. Putain, mais vas-y. C'est fou. Va Porte de la Chapelle, nous fais pas chier. Tu vois. Non, mais vas-y. Mais c'est bien sûr que c'est ça. D'ailleurs, mais le Chypre, c'est ce qu'il disait. Il disait, voilà, il faut instaurer carrément un système où, si t'es un rebelle, enfin, si tu refuses, quoi, tu dois être un mouton noir. Tu peux plus avoir de vie sociale. Mais moi, je vous le dis, j'en ai rien à foutre d'aller au restaurant, j'en ai rien à foutre. J'aime bien le cinéma, j'aime bien le restaurant, mais vous allez, les Juifs vont pas me foutre un truc dans les veines, donc voilà, je m'en fous du restaurant. Ouais. Alors s'ils commencent à m'empêcher d'aller dans un supermarché, je vais commencer à mordre. Bon, je vais commencer à mordre. C'est vrai. Il faut pas pousser non plus Pépé dans les orties, quoi. Hein, on est d'accord, hein, faut pas pousser Pépé dans les orties non plus. Mais peut-être qu'ils veulent des émeutes de la faim, je ne sais pas, moi. Écoutez, je sais pas. Je veux dire, peut-être que c'est leur projet, j'en sais rien. Je veux dire. Mais non, de toute façon, s'ils m'empêchent d'aller au supermarché, je vais chez Moshé et je lui pique un de ses deux frigos. Attention, hein, je rigole pas. Hein. Attention à tes frigos, Moshé. Alors, bon, bah, je vous dis à la semaine prochaine, petit gars. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.